C'est pas la femme à Rouen et là-bas qui est en train de se... Sûrement. Dieu, et l'œil fin. Et le cerveau, pas trop. On voit cette magnifique action qui concerne donc l'équipe de Blagnac qui inscrit le premier essai dans ce match de district. Oui, contre le Colomiers Club, hein, qui est sans entraîneur. Hein, en toute autonomie, les joueurs tentent de relever le défi d'un club aux abois. Le Coulomiers. Coulomiers Club. Oui, le cool. Oui, qui coule un peu, oui, on peut le dire. Quelques instants, le top shift. Non, ça n'a rien à voir avec le time shift, attention. C'est tout à fait différent, c'est une nouveauté Radio Sportage. Ouais, en intranet, uniquement. Top shift en intranet, c'est dans que quelques nous, secondes. Hein. Leinster, Youpla Boom, dépêche-toi le morceau quand même. Un petit 4 quarts. Papy Brassard. Dépêche-toi le morceau. Ouais, le morceau il traîne un peu. Il y a Galtier qui joue bien. Oh, tu fais un Jean-Louis, tu fais un mémé. Oh. Au moins Jean-Louis, on sait que t'es là, tu vois. On arrive, Jean-Louis. Quelques secondes. Attention, 5-4-3, 720, maintenant. Je dis maintenant. Eh ben, je suis très content de vous accueillir sur Radio Sportaz pour ce 720e avec mon équipe, le Stade Toulousain, qui va jouer contre Leinster, youplaboum, comme m'a dit Jacques juste avant. Et bien sûr, je suis très heureux d'être là, très heureux de dire bonjour et bonjour madame, bonjour mademoiselle. Et bonjour monsieur, bien sûr. Alors vous, c'est Guy Inov. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là dans votre look cette année? J'ai un peu changé quand même. Vous le savez pas vous, mais j'ai beaucoup changé. J'ai coupé les cheveux plus ras. J'ai fait un peu de botox, un peu de lifting. Je me suis fait liposuccer bien évidemment. Et là, ça se voit pas beaucoup. Mais j'ai perdu 44 kilos en une semaine. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment une méthode extraordinaire. Par contre, le bulldog, c'est foutu, non? Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, hello, salut, Sportaz 720 et ça coïncide pour nous avec bien l'anniversaire yes. De Radio Sportaz. Ce fut au mois d'avril 2010. Alors qu'on pourrait nous passer des images plus sympas quand même pour cet anniversaire, la première bougie de Radio Sportaz, c'est quand même extraordinaire. Yepa, Sportaz 720 live aujourd'hui, 30 avril 2011. Demi-finale, Coupe de rugby, s'il vous plaît. Allez, on mouline, Jackie. on mouline, Jean-Louis. Ah, attends, une petite précision, là, nous sommes sur Canal, c'est pas très sympa, je pense qu'on va, ah oui, pardon. On va vite aller passer sur la chaîne publique qui retransmet également ce match. Oui, la 2. Ouais, alors le service public, ils y sont aussi, avec des micros et des cravates que l'on souhaite moins présentes durant ce match. Bien sûr, on s'attend bien évidemment à une opposition féroce tout de même. Mais... Match symbole. Une demi de plus pour ce stade toulousain qui ravage toute l'Europe depuis des années et des années. Ah, c'est les 1 un peu, hein. C'est les 1 du rugby, hein. les numéros 1. Vous-même vous faites. Ah oui, très sincèrement, oui. 10e demi-finale en 16 ans d'existence de la compétition, t'as compris quand même le trust de cette formation, entraînée toujours par le même homme, hein, Ginov. Ah oui, qui continue à œuvrer pour le rugby européen, mondial, mais aussi local. Ah, ils sont bien coupés nos cheveux. Excusez. Il y a eu quelques... Invective interviews tout à l'heure peut-être, Leinster donc, province d'Irlande. Oui Jacques, tout à fait, bravo. Donc ça se passe ici même en Irlande. Oui absolument Jacques. Le pays vert tout vert qui va vers peut-être une nouvelle finale oui, en Irlande. Non, elle n'aura pas lieu en Irlande, je pense pas là. Non, tu peux retirer. Pour la finale, c'est alors, justement, c'est pas dit, hein, que ce soit par là-bas. En tout cas, nous avons le nom de l'arbitre. Oui. Déjà pas mal. Oui, c'est exceptionnel que vous l'ayez quand même 10 minutes avant le début bien évidemment, de la pétarade. Alors que là, ils sont passés chez le coiffeur ce matin même. Il y en a un, c'est tout frais. L'autre, vous le voyez, c'est différent, bien évidemment. C'est beaucoup plus naturel. Vous voyez une coupe naturelle et une perruque de l'autre côté. C'est bien évidemment la différence. À vous de trouver la postiche. Lequel des deux a une postiche sur la tétoune? Eh bien, vous nous transmettez vos informations sur le site Radio Sportaz, bien évidemment, sur l'onglet Réagissez, Réagissez. On tâtonne à mort, on fait ce qu'on peut, mais dans l'effort, bien sûr. Oui, toujours. Bien sûr, et toujours dans l'esprit de l'essor. C'est le moment de parler de l'esprit, Jacques. Je te vois à venir. Et pendant ce temps-là, sur la pelouse, un commentateur s'excite. Regardez comme c'est beau. Un commentateur Islam, on l'écoute. Il se la donne à mort. Il se chauffe la voix, évidemment. C'est une technique du service public. Je sais pas ce qu'il est en train de leur vendre, là, mais il s'y est mis, bébé. Il s'y est mis. Le peuple bleu du Leinster, bien évidemment, qui va soutenir sa formation féroce avec au Bristol, avec au timing, au time shift, il y a également au pastiche. Enfin, il y a tout un tas de méchants et féroces du côté irlandais, tandis que du côté toulousain, le docteur Médard, qui ferme tard le soir, est là. Et oui, Sportaz expérimental, très frais cet après-midi. Ah oui, c'est frais au menthol, ah, ouais. Expérimental, Sportaz 720. Vous n'avez pas bouffé du menthol, vous. Le petit côté sympathique du rugby, c'est-à-dire que les supporters arrivent à se mélanger, c'est toute la différence, bien évidemment, avec le côté footballistique de l'affaire, où on parle plus tout à fait de mélange, même dans les joueurs. On a vu les pom-pom girls. Hein. Attention, ça va débuter. Arrêtez, les gars. Préparez-vous au time shift. Oui, pardon, côté toulousain, on s'est permis quand même, Ginov s'est permis de laisser son capitaine sur la touche. Pourquoi attention, ça va démarrer. Planquez-vous, madame. C'est parti. Shift. Oh, il joue d'entrée, il joue le petit coup tordu, les Irlandais, histoire de dire que. Par eux. Par bleu. Au pétard qui s'est fait pousser directement en touche. Et ce sera un lancer toulousain, me semble-t-il, en ce début de confrontation. Oui, vous pouvez arrêter derrière. C'est bon, vous pouvez vous poser. On est bien entré dans ce match. 20 secondes, 21 secondes, 22 secondes. Oui, 3, précisé, bien évidemment. 4, alors bon, il y a une opposition de couleurs, Jacques. C'est fantastique. Ce bleu, ce rouge sur cette pelouse verte, il y a effectivement là une belle opposition de couleurs, mais des couleurs un petit peu trop traditionnelles à mon goût, bien évidemment. J'aurais préféré du fuchsia avec un magnifique jaune pétard. Attention, relance immédiate des Toulousains. Escoundé. Escoundé en patois. Oui, c'est à peu près ça, Jacques. La bas playf. Bah, Playf qui sort pour Tombourgfit. Bon dégagement, mais à voir si ce ballon n'a pas été rentré dans l'embut. Au même moment, finalement, c'est accordé par les Indiens. Et donc, derrière la tribu Pao qui nous rejoint aujourd'hui. Pour ralenti de cette première touche. Merci Jean Louche. Oui, magnifique. Touche contestée par Capitaine Nyanga. Deux informations tout de suite. Otakawa. Pour cet anniversaire, deux demi ne suffiront que peu. Donc demain, 16h, deuxième demi-finale de rugby, annoncée dès maintenant. Avec Pépignan. Hey. Avec Pépignan qui va en prendre plein la boire par Morfanfanton. Ouais. Et puis, peut-être vous donner aussi la deuxième information. Le samedi 28 mai, la finale de Ligue des Champions, mais pas sûr. Hein. Par contre, le jeudi 26 mai, la finale des champions femmes. Ah, c'est 26 mai ? Lyon-Potsdam, bien sûr. Ça, oui, alors. Direct 8, bien sûr. Ah, oui. 21h, bien sûr, jeudi alors, 26 mai. A priori, notez sur vos calendriers, sur vos agendas. Allez. 26 mai, à quelle heure, tu dis, Jacques ? Ah, 21h, sur Direct 8. C'est du prime time. Ce sera notre premier match féminin commenté, s'il vous plaît. On va dire ça comme ça, on l'avait déjà fait quand même. Ah non, pas des matchs féminins. Si. Ah si. Une mi-temps. Ah bon. Si. Ah si. Dans les archives, je vous le ressortirai. Ouais, ouais. Attention, avec nos amis footballeurs, à un moment, les Irlandais qui obtiennent une touche peut-être. Ouais, c'était une belle montée de John Peter John sur le côté gauche, mais il a été taclé par un joueur toulousain du Toulouse Football Club qui fait le déplacement aujourd'hui en cette belle après-midi du mois d'avril. Ici à où c'est ? Alors, est-ce qu'il y a des quotas ? C'est à Viva Stadium. C'est à Dublin, mon gars. Ah, pardon. Dublin. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'était la question, là ? Est-ce que le rugby pourrait bénéficier lui aussi du problème de quotas? Bien évidemment, il y a un quota de première ligne, un quota de deuxième ligne, un quota, bien évidemment, Jacques. Est-ce que vous êtes à quota de la plaque. Est-ce que la force l'emporte sur la technique dans le sport moderne? Ce sera notre première question piège. Bien évidemment. Pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de commenter un petit peu quand même ce qui se déroule sur la pelouse, parce que visiblement, les Toulousains, je te rappelle que c'est une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est pas du pipeau, Jacques, hein. C'est quand même du sérieux. C'est la demi. Et qu'à un moment donné, il faut se mettre à commenter ce sport. Oui, ça flûte des deux côtés. Ça flûte dur. Du côté toulousain, en tous les cas, il faut lâcher ce ballon. Il a été récupéré magnifiquement par Aubrystol et intervention de monsieur Cotta qui signale une pénalité pour l'équipe de Toulouse. Pourquoi tous ces bras en croix pendant que le jeu se déroule? Bizarre, vous ferez des gros plans, Jean-Loup. Je vous rappelle que demain, c'est quand même la journée de la béatification de Jim Paul, Jim Paul II, l'homme qui refusa le préservatif tout de même. Oui, il faut s'en souvenir, même s'il fit quelques petites avancées à son niveau. Didier Wojtyla, qui a mixé effectivement la Bible pendant quelques années, qui en a fait ce qu'il en a pu. Mais enfin, l'interprétation des textes, finalement, ça reste une fois de plus quelque chose de très subjectif. Et d'après moi, la capote était déjà dans la Bible avant même de l'avoir compris. On va regarder gentiment Bonbon Créma qui va taper la pénalité pour la formation toulousaine. Pour les Toulouses. Pour les Toulousains, il est bien, il est concentré, il laisse pousser un petit peu les cheveux en ce moment. Hein. Il a pris du volume avec l'engrais Plonchachti. Avec Ginov et ses produits. Les produits de Ginov, effectivement, il a la capillarité légèrement jungleuse, que je dirais. Ce jeune homme qui va taper entre les barres. Oh le con, il nous loupe ça, il se prend le poteau fouette. Con quand même pour toucher un poteau rugby. Et c'est go. Incredible. Louis Moultechoun. C'est Moultefritz qui récupère ce ballon, qui a tapé le poteau et qui a inscrit le premier essai de la gueule. S'il vous plaît, Jackie, s'il vous plaît, c'est Toulousain. Oui, alors emballement total, musique à fond. Là, je t'ai reconnu, Jean-Louis, à la batterie. Premier essai là pour ce Stade Toulousain, 5 minutes de jeu et déjà 5-0. Finalement, Bonbon Créma a magnifiquement joué le coup puisqu'il vise le poteau, il touche le poteau et là sur le rebond, ils sont pris les Irlandais. Magnifique essai de Moultefritz. Oh, quelle entrée en matière, nom de Dieu de merde! Ouh, Big Stad, waouh, double cheese. Ah oui, Moultefritz et double cheese, ça vous fera 14,84€. Le ballon est bien entre les barres, transformation réussie, c'est bien parti. Ah, ils nous font du 7-0. Ah oui, là, dis donc, du 7-0. Même. Ah, c'est de quoi te refroidir tout un stade. On voit ça, Jean-Louis, au ralenti, ce ballon qui vient frapper le poteau, c'est assez rare en rugby. Et qui... Alors Jacques, il y a une petite question que je me pose. Parce que le ballon frappe le poteau et passe à l'extérieur, visiblement. Parce que s'il était passé à l'intérieur, c'était des 3 points seulement, c'est ça? J'ai pas tout suivi. C'était juste une petite précision. Allez, Dublin qui va remettre le paquet. Ah, bien évidemment qu'ils vont aller foutre la zone. Sorti les ballons par les Irlandais avec au confiture. Au marmelade, non. Magnifiquement joué pour les Irlandais, mais belle défense des Toulousains avec Captain Nyanga qui plaque à tout va. Bien, ouais. On milite pour que le ballon n'avance pas. C'est Captain Otanga, hein, Jacques. Comme maintenant, bien évidemment, le magnifique slip de cette dame, le Tanga. Hein. Une forme tout ouverture à fait. Dans le camp, ah oui, ouverture, une belle ouverture, oui. Oh, en avant. Signalé, bien évidemment, par monsieur Kota Kota. Et de côté. Donc. Tu avais le prénom, toi, hein, de Jean-Michel. De ah. C'est, qui est amateur de. Bah, il collectionne les prénoms. Justement. Il y en a plus de 1200. Bravo. Bravo, monsieur Jean-Michel. Ça a un nom, les collectionneurs de prénoms? Non. Prénom. Attention donc. Mêlée à la première mêlée, c'est là où on va voir les forces en présence, hein, dirais-je. Vous avez vu la liaison magnifique que je viens de faire, hein. Magnifique. Les forces en présence. Je vous reçois bien. Effectivement, bonne liaison. Loustad contre Luinster. Et la liaison, c'est le secret de la mêlée réussie, Jacques. Alors elle est belle, elle est bien sortie avec Bouzig. Bouzig, pardon. Qui finalement, oui, en voulant... Le numéro 8, Bouzig. Qui est ouvert, il y a l'ouverture. Oui, c'est une perle ce joueur. Oh là là, avec bon Johnson. Oui, à noter qu'il joue souvent en profondeur. Ballon. Et donc, Toulouse qui attaque à mort, mais Toulouse qui joue à mort, oui. Avec une petite croisée pour le capitaine Médard, ou le docteur Médard qui sort ça le soir. Doc mec. C'est William Servin. William Sorva, c'est plus son nom. Oui, oui, pénalité cette fois-ci, on a conservé le ballon au sol, il avait été bien contesté par O'Connor, et finalement c'était une pénalité pour les Irlandais, bonjour. Sur leur ligne des 22, ça va ? Bah moi ça va, hein. Je trouve que ce match est bien parti, Toulouse est en avance sur le planning que nous avait fixé Gino, puisqu'il devait marquer à la 13e, ensuite à la 42e et pour finir à la 80e. Et là pour l'instant nous sommes légèrement en avance sur le timing, tandis que l'on règle. Évidemment, vous n'hésitez pas à réagir sur le site Sportaz. Je vous rappelle que cette émission est retransmise grâce au bon service d'ombilical.org. Ombilical.org. Si vous avez quelque chose à demander, ombilical.org. Pourquoi c'est le Moyen-Âge aujourd'hui par rapport au horreur. Jackie, c'est un peu le Moyen-Âge du commentaire sportif. Oui, un peu, oui. Mais on l'a conservé, alors, c'est le vestige. Alors, c'est pour tous les fans de niche musicale moderne, ombilical.org, plein de radios à votre disposition. Ah, Gino, regarde, la sérénité du mec qui a 3 étoiles sur le survêt. Je veux dire, tu comprends, c'est quelque chose. C'est parti, touche, voire 4. Touche dans le camp toulousain, à l'avantage des Dublins. Aïe, faut pas louper placage, ça avec, oh là là, celui-ci qui s'enfonce carrément dans les 22 mètres. Eh, mais il en finit plus. Oui, il est allé tout droit. Oui, directement au garage. Il s'est fait saisir par un mécanicien toulousain, mais qui a fait faute. On cherche à éviter le contact. Oui, oh là là, au Bristol qui a reçu l'invitation du gros piqué toulousain. Énorme joueur. Oui, mais intervention est peut-être toujours un avantage pour les Irlandais. S'il ne marque pas, ce sera une pénalité. La défense est tout à fait. Et c'est une pénalité. Pénalité pour le Leinster dans les 10 mètres du stade toulousain. Autrement dit, ils ne vont pas tenter l'essai, ils vont prendre les 3 points quasi assurés. Ouais, alors ici on change les pneus. Oui, c'est O'Connor qui a déjà déjanté et qui va devoir, donc bien évidemment, se faire un rafistoler par les mécanos. Les mécanos irlandais, on prend la pénalité du côté, bien évidemment, British, because the 3 points are 3 points and are not 7 points, that on ne sait pas. Oh, bravo, Jackie. Cette action. Oui, cette action terrible avec ces plaquages loupés qui permettent à ce centre irlandais complètement. On a fait un zoom sonore sur ce qui se passe réellement sur le terrain. On écoute ça. Ralenti, so for off. Oh, les plaquages foirés. Ouais. C'est le docteur Médard, me semble-t-il. Ah, le docteur Médard qui s'élève lui aussi. Oh, quel coup de poing il nous a mis. Arrêtez immédiatement. Arrêtez ça. Oh, quel bordel. C'est la première fois qu'on teste le... Sous le sonore, je ne sais pas si on va le refaire. En tout cas, ce 3 points là, devrait le faire. Et là, pas de poteau entrant, sortant. Il y a un drapeau ukrainien aussi, je me demande. On y va. J'ai dit que ce qu'on appelle la contribution sociale du service public de l'électricité. Oui. C'était la seconde de contribution au service public. C'était l'électricité qui sonnait. Ouais, on voit ce chantiment au ralenti avec le beau plaquage de Brutus Johnson, là, mais bien évidemment, il y avait la pénalité avant, signalée par Monsieur Kota. Ça nous fait 7-3. Arrêtez le ralenti, s'il vous plaît, revenez à la vitesse normale. Oh là là, la vieille, ça y est. Je rappelle que c'est un match retransmis grâce à une éolienne avec le ballon. Oui, bon départ, bonbon Créma qui s'entend que la défense le tenait, n'a pas lâché là. Et là, il peut aller le chercher. Non, intervention magnifique de Jean-François Cloc. Jean-François Cloc maintenant qui cherche Alain Prost. Alain Prost est magnifique dans la surface de réparation. Et qui va sortir Jean-Pierre Delmas. Bonbon Créma qui tente le drop, c'est bien, c'est beau, c'est good. C'est pro. Ouh, Bonbon Créma, depuis qu'il a les cheveux, c'est Samson. Waouh, il emballe le match, Bonbon Créma. Ouais, bravo Jacques, bravo. Très belle allégorie. On revoit ce drop parfaitement mal tapé, et pourtant il doit finir entre les barres. Oh là. Il y a beaucoup de barres là, par contre. On ne sait pas lesquelles. C'est quelle barre, c'est quoi. T'es au bar ou quoi? C'est calbar, hein, Jean-Loup. Et la colonie toulousaine qui a fait le déplacement jusqu'à Dublin, d'après Jacques, est en joie. C'est pas ton stade, mais presque. C'est un peu ce que se disent ces supporters qui sont à la fête. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce renvoi fou, là? Avec un ballon récupéré par le demi de mêlée dont on n'a pas le nom, Jacques. Celui-ci est très discret, il est anonyme. Mister X. Non, c'est un joueur toulousain, okay. Jacques, quand même. Non, okay. Donc, alors, ce sera Monsieur quelque chose. Monsieur X, si tu veux. Bien qu'ils ne connaissent pas du tout en canasson, lui. Attention. Et on voit le rouge, la marée rouge qui transmet magnifiquement la balle à capitaine Katanga. capitaine Katanga, qui n'est pas vraiment le capitaine sur la pelouse en ce moment, puisque c'est Jean Boudiou, avec le ballon de sortie, putain par le Toulouse Rugby Sporting Club. Avec William Serin, oui. Serin, il transmet magnifiquement ce ballon à ses partenaires qui vont pouvoir se dégager, mais attention à ne pas chahuter trop devant l'Irlandais. Prompt à contre-attaquer. Une espèce de truc sur les côtés, chamaillage à deux balles et sans ballon. C'est Picaboul qui s'est énervé légèrement avec Moulfritz. Moulfritz qui se sent en pleine bien évidemment, assurance, puisqu'il a marqué l'essai. Primo. Qui a tenté le rafut, mais il n'avait pas de pantalon. Et oui, mais voilà, mais on a fait faute. Et voilà, on a fait faute du côté toulousain. On joue trop, peut-être à un moment donné, il faut penser à se dégager, à aller jouer dans le camp des Irlandais. Là, on s'expose à la pénalité tout à fait transformable. Voilà ce que j'en dis, moi. Destroy, moi je dis. Moi, destroy. Destroy pour moi. Mais attention, pénalité pour les Irlandais, ça les rapprocherait à moins d'un essai, mais à plus qu'une pénale. Et serait obligé d'attaquer tout de même. Retrouve-moi derrière la mairie à 18h30. Retrouve-moi derrière la mairie à 18h30. Je suis ton compère. Retrouve-moi derrière la mairie à 18h30. C'est super. Attention, hein, c'était pénalité irlandaise. Oh, regardez ce soleil, il y a un immense rétroviseur qui retransmet de la lumière sur la pelouse. C'est magnifique ici à Dublin. Vous me calquerez cette courbe, hein, elle est, cette courbe hippopotamus. Il te manque une barre, hein, sur le M, Jacques. Oh, monsieur, vous n'êtes qu'un trou du cul. J'avais un trou de mémoire. Le ballon, alors il le tape, sur son ballon, là, il la met, sa pénalité, qu'est-ce qu'il fait? Wow! Allez. Alors. L'élan, ben si, c'est magnifique. C'est oui. C'est un coup de pied tout à fait curieux, hein, car il ne prend pas d'angle, il part au départ et revient à l'arrivée. Rien, pas d'alcool. Nature. Non, c'est bien. Ça nous fait 6 pour les Irlandais de Leinster et 10 pour Toulouse, qui a déjà tout de même marqué un essai. Et ça le fait. Nous sommes, je vous le rappelle, en demi-finale de Coupe d'Europe. Nous sommes le 30 avril 2011. En direct. Oui, parfois, j'ai l'impression que ceci pourrait être sponsorisé par la Cotorep. Je te pchit. Alors, j'attire tout à fait votre attention sur le fait que la pelouse est grasse. L'herbe est grasse ici, Jacques. L'herbe est très grasse. Ballon bien récupéré par le Toulouse Football Rugby Club, le club le plus ancien du Capitole et de Gascogne, et bien évidemment de l'Ovalie réunie. C'est une nouvelle. Oh, nouvelle, salut. Alors, re-pénalité pour les Irlandais. On est beaucoup sanctionné. On se défend, peut-être qu'on préfère prendre des 3 points plutôt que des 5 plus 2 points. C'est Arbalète qui a fait la faute, une faute un peu bête, à part d'Arbalète, visiblement la flèche est partie trop tôt. Et il va falloir se méfier quand même de cette indiscipline toulousaine alors qu'ils ont pris les choses tout à fait en main grâce à l'essai. Peut-être, mais peut-être se disent-ils qu'il y aura très peu d'essais dans cette partie, qu'il vaut mieux prendre des 3 points. C'est quoi cette image, Jean-Louis, là? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Que l'équipe de France a déjà vendu ses maillots? C'est quoi? C'est le serpent? C'est l'hôpital? Pas très bien. On sait pas très bien. Alors c'était une touche. Elle était au bénéfice des Irlandais. Toca para au pistol. Oh, pistol magnifique, mais elle est contestée. Superbement contestée. Et pourtant reprise par O'Connor. Mais qui, à mon sens, aurait fait un en avant puisque c'est lui qui l'avait balancé. Dans le camp toulousain. Note grave, monsieur Cotta laisse jouer. Sorti out of control. On essaye de prendre ce qu'on appelle le milieu de terrain du côté irlandais. L'axe profond, là où ça fait très mal. Belle défense. Oh, même si on loupe les plaquages un peu trop, une fois de plus, heureusement, le capitaine Katanga est là pour reprendre. Le joueur irlandais, tandis qu'on m'annonce 5. Hein, vous seriez 5 à. Donc, il nous en manque une dizaine pour pouvoir quand même... Jouez-nous aussi face à ces deux formations féroces. Bon anniversaire à nous. Et à vous, bien sûr. Oui, bon anniversaire, Sportaz. Alors, 17 minutes et 16, 17 Radio, secondes de jour. Radio Sportaz, parce que c'est pas tout. Non, le ballon récupéré par Claire Denotaire. Puis immédiatement par l'huissier de secours. L'huissier de secours qui sort la balle. Le dossier brûlant, regardez ça. L'assistant qui récupère. Il sort son magnifique. Oh là là. Arbalète, il va tout droit. Yes. Et Toulouse qui attaque avec une bonne petite balle. Maintenant, il y a un petit surnombre. Oh, what a damage. Il a perdu la vitesse, l'élan et double Médard. Ouais, docteur Médard, hein, Jacques qui ferme tard. Le soir, belle sortie de balle de Picaboule. Picaboule, mais le ballon est récupéré par les Irlandais, me semble-t-il. Non, si, ça bataille, non. Toulouse là. Oh, quelle férocité dans les impacts, dans le chahut. C'est terrible, ce ballon va être perdu par Toulouse. Et intervention, me semble-t-il, de monsieur Cota. 18 minutes de jeu pile poil. Bien écoutez, 10 à 6, 4 petits points d'écart. Oh là là, c'est féroce. Équipes à l'avantage de Stade Toulouse. Oui, c'était féroce. Regarde, regarde sur le terrain, ça laisse des traces. Tout le monde en a pris un peu plein la poire ou le reste. Et ce sera donc un petit temps mort qui va nous permettre à nous d'aller chercher le premier jingle, hein, si vous le permettez. Non. Je suis pas con. Je vais à la cave. On prévoyait pas grand chose, c'était pas. C'était pas. Voilà, c'était vraiment. Radio. Improvisé. Improvisé. C'est quelqu'un qui est pas structuré, c'est quelqu'un qui a pas de vie de famille, c'est quelqu'un qui a que lui à gérer et que voilà, ça passe ou ça casse, quoi. C'est quelqu'un qui s'en fout. Et ben voilà, un petit jingle qui a fait du bien aux joueurs. Puisque tout le monde est remis sur pied, visiblement, et qu'on va pouvoir continuer. Plus que sympathique, Saint-Patrick. C'est pas assez, c'est passé, Jacques. Oui, mais c'est irlandais. Irlandais. Hein, tout oui, d'accord, même, d'accord. Tout de même. Ne trique pas. Et monsieur Cota qui a sifflé une nouvelle pénalité, sans les comptabiliser vraiment, j'estime à 5 ou 6 le nombre de sanctions signalées contre les Toulousains. Ça n'est pas bon, ça n'est pas bon de faire trop de fautes. Ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Attention à ce ballon. On a eu un décrochage à la Réunion. On voit ce qui s'est réellement passé avec ces images hyper ralenties par Jean-Louis et sa carte. Regarde ça, Jean-Louis. Ça pèse pas. Tu fais du sinoche. Ça pèse pas beaucoup du coup. Hein. Ballon, on le voit avec une petite main qui a l'air alerte de Jean-Louis, ce ballon. Jean-Louis, excusez-moi, hein, qui a quand même tourné son premier film. Qui en tant que réalisateur la semaine dernière, donc, c'était à, bien évidemment à Cannes, avec Show des Pervers Emilia qui sera transmis, bien évidemment, je ne sais sur quelle chaîne, mais assez rapidement. D'accord. Attention à ce ballon, Jacques. Les Irlandais attaquent, oui, ils sont toujours menés, c'est sûr. Ils veulent aller devant leur public, marquer, châtier là en but, Toulousain défloré. Hein, allez, sortie de shuttle. Allez, on prend un ticket. Ouais, il a pris le ticket. Deuxième wagon, troisième wagon. Oh là là, c'est tout le monde arrive, la on locomotive. À Lima, il y a du tourisme en ce moment. C'est le départ en vacances. Ouais. Hein. C'est le départ en vacances. C'est le grand week-end. Nombreux. Et là, il y a du monde à la gare, effectivement. Oui. On passe le billet. Ça, il est passé, mais les contrôleurs sont là. Ils empêchent, bien évidemment, les clients de prendre le train. C'est terrible ce qui se passe. Ça joue pas. Oh là là là. Allez, Balao par terre. Ouh, on a plongé du côté toulousain, attention à ne pas se faire fonctionner. Ou sanctionner. Ça revient au sol. Oui, mais c'est un petit peu stérile de la part des Irlandais. Hein, non seulement c'est stérile au niveau point, et surtout en mètre gagné comme ici. Voilà. Et il n'ose pas passer par-dessus avec des petits coups de pied par-dessus la défense. Oui, ils le font. Pourtant, ils l'ont fait à un moment donné. Pas, c'était c'était assez à la mode. Mais là, je ne comprends pas, effectivement. L'entêtement de l'Irlandais à aller défier la ligne adverse. Veulent-ils fatiguer les Toulousains en rouge aujourd'hui? Les Toulousains en rouge? Qu'est-ce que vous dites comme conneries? Mais c'est pas possible cette ligne. Oui, alors une petite information qui vaut son pesant d'or. Hein. La bourse monte. Oui, attention, vous êtes sur un terrain glissant là. Attention, Jackie. Attention, vous êtes sur un terrain glissant, Jackie. Oui, la bourse, hein, on ne sait pas. Trop laquelle choisir. ce sera quoi, Jean-Louis? C'est un arrêt de jeu, il y a encore un blessé. Oui, alors, écoutez, découpé l'interview, on n'a pas pu commencer, veuillez nous en excuser. Ah, ça reprend, Jean-Louis, il faudrait que tu te décides. Hein. On ne peut pas tout faire. Non, retour au jeu, s'il te plaît. Bonjour, madame. Caméra 8, plein écran, Jean-Louis. Caméra 8, plein écran, s'il te plaît, voilà. Sans que vous êtes pas loin du Gers, vous êtes même carrément dans le Gers. Vous êtes dans le quoi? Vous êtes dans le Gers. Un petit peu plus loin, très exactement. Non. Je sais, un petit peu plus loin. Ça m'était repéré apparemment par la DGRSE. Et la mêlée a du mal à se tenir sur cette pelouse. 21 minutes et 33 secondes de jeu. Et Toulouse mène 10-6 par le biais d'un essai aussi furtif qu'anecdotique. J'ai mes 200. Comment tu dis? Mêlée avec Jean-Pierre qui va introduire la balle. Jean-Pierre, c'est bien. Petit Toulousain, Claude Nougaro qui la sort, cette balle. Bien. Regarde-moi, plaçons. Plaçons bien la balle. Tchoun. Tchoun à frontière. Je ne savais pas que le Stade Toulousain avait recruté un joueur à consonance asiatique, Jacques. On a tenté un coup là. Oui, on a tenté. On tente. Oui, je vous avais demandé le petit coup de pied par-dessus. Ouais, et bien, les Toulousains l'ont fait, mais très mal fait de la part de Heyman. Il n'y a pas vraiment urgence, madame. Ce n'est pas vrai. Non, le Stade Toulousain mène 10-6 pour l'instant. Ils sont tout à fait bien installés dans cette confrontation. Bien, Jean-Loup, cette caméra de face pour Radio Sportas. Mais ce coup de pied là n'est pas très judicieux. Non, il y avait pourtant un angle peut-être à choisir pour mettre le danger, mais là, ce n'était pas tout à fait bien joué. C'est pas vrai. Alors le docteur Médard, il monte là, la pommade. Immense. Et c'est Porté qui récupère ce ballon. Récupération par les Irlandais. Ils sont bons sur ces trucs-là. Ils ont l'air d'avoir plus envie de la balle que les Toulousains qui défendent beaucoup et pas mal, mais qui pour l'instant subissent. Allez, on nous aborde la Méditerranée. Oui, la Méditerranée. Oui, mais ils ont le droit. Ils avaient le droit de le faire. Et là, par contre, c'est une faute du joueur irlandais qui s'était retrouvé dans l'autre camp. Ballon sorti par les Toulousains, c'est bien joué. Oh, vas-y, petit. Là, avec compte. Jean-Pierre Rive. Jean-Pierre Rive qui a cherché Papa Créma. Papa Créma. Oh, dommage, c'était bien vu. C'était très bien fait de la part. Oh là là, monstros. Brutus Johnson. Il n'y a plus donné. Jack, il va aller en touche. Ah, perdido la boule. Eh oui, c'est un en avant signalé par Monsieur Cotta. Quitté. Touché, c'est très étonnant. Voyons. Ah ouais. Oh, non, c'est alors incroyable. Ça, j'ai entendu ça. C'est fou, hein. Touché, monsieur, touché. C'est très étonnant. Que sera ce Jean-Louis de Mêlée au bénéfice des Irlandais, bien évidemment, 10-6, soleil à Dublin. Je pense que c'est un temps tout à fait toulousain pour cette confrontation. Je veux y voir un signe, Jacques. Ma foi, c'est de bon ton que ce bon temps. C'est possible. Oui, merci monsieur d'avoir confirmé. Alors Louis, tu sers un peu maintenant parce que là, on voit plus rien, tu me fous le vertige. Hein. Ah, on sert plus vite. Vas-y carrément. Voilà, comme ça. Mêlée, hein Jacques. Mêlée irlandaise. Sorti au piston avec Bristol. Bristol qui a refusé l'invitation du mariage, c'est quand même. On va dire, c'est remarquable, il préfère jouer au rugby et les copains se foutre en short et se mettre minable plutôt qu'aller se mettre en costume et se faire chier pendant toute une cérémonie. Je comprends un peu. Oui, alors je ne suis pas sûr qu'il y ait eu 2 milliards de téléspectateurs à suivre cette Je les ai comptés, effectivement. Cette chose catholique, considérons que c'est peut-être une grosse audience, mais enfin, la grande religion, ça reste le sport, bien sûr. Et les grandes audiences des finales de Coupe du Monde, bien sûr. Et des trucs des Jeux Olympiques aussi. Nous sommes pour la laïcité dans le sport. Pendant ce temps-là, Jean-Louis se fait des petites images pour son book, puisque je vous rappelle que Jean-Louis postule, bien évidemment, pour changer de catégorie. Il aimerait passer à autre chose, il en a marre du sport, Jean-Louis. Il faudrait être cadre plutôt que de cadrer. Et c'est une touche pour le Stade Toulousain avec William Serin. Ouais. William Serin, comme. Il y a marqué orange, mais c'est faux, rouge. C'est rouge. C'est rouge. Sauf sur les ralentis. Vous allez voir que sur les ralentis, parfois le rouge perd un petit peu de sa prestance. Et effectivement, c'est un rouge quand même, c'est un rouge vermillon, Jacques, je dirais. C'est ce rouge un peu. Belle sortie de Malvie. Non, je te parle là. Récupération, considère-t-il qu'il y a eu en avant, monsieur Moudenc. C'est Malvie, mais. C'est Malvie. Pas bien. Et ce sera quelque chose de signalé par Monsieur Cotta. On va revoir ça gentiment ralenti avec Captain Katanga. Oh, ça c'est fantastique. Eh oui, il ne doit pas être touché par l'adversaire. Ouais. L'adversaire doit le laisser. Cette image est magnifique. Il prend la balle en l'air et là, en retombant, il va se défoncer le genou. Beau caillou. Qui a fait de belles parties. On est là, on ralentit, c'est oui. Excusez-moi, Jacques. Les frères Caillou, c'est. Oui, les frères Caillou, c'était cette semaine, pardon. Pour ceux qui aiment l'OM, les frères Caillou. Jean-Louis, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, William Serin qui demande, est-ce qu'il y a vraiment des saucisses, des bonnes saucisses de Strasbourg? Pour l'instant, on lui fait écouter le dernier tube de David Guetta. Pareil que ça soigne. Regarde, c'est bon ça, c'est du Guetta. Vous voyez que ça sert à quelque chose, Il est content, il s'en fout, il se fait soigner, il écoute, il est heureux. C'est un homme serein, ce William. Et c'est une Ginov. Qu'est-ce que c'est qu'une Ginov? Innovation. Une Ginovation. Ouais. Oui, la merde, merci. Quelle précision suisse, ce mec. C'était mené pour les Irlandais des Leinster avec O'Phillips. O'Phillips, who wants his mother is a woman. Woman. Wow. Attention, ça cut. Ça ice cut. Ça ice cut. Oh oui, tiens, écoute-moi ça, ça ice cut. Bien joué de la part de O'Bristol qui a transmis l'invitation. Attention, t'es derrière, parce que c'est vraiment, on se dit dans cette industrie, dans votre industrie. Non, monsieur, fermez la porte là-bas. Fermez la porte, qu'est-ce que ça veut dire? Un petit coup de pied tactique pour l'ailier irlandais, récupérera de Clerc. Clerc de nos Turcs. Il a magnifiquement conduit le ballon à ses partenaires et là, ça ice cut. Ça ice cut à mort, on ne sait pas ce qui se passe. On est en train de se faire hacker. Éliminé par les franquistes du village. On est en train de se faire hacker visiblement en direct. C'est extraordinaire, c'est une grande première. La censure, écoutez la censure sur internet. Ah, c'est terrible, c'est la première fois que ça nous arrive. Nous combattons tous les techniciens de Radio Sportas sont là pour savoir d'où vient ce problème. Oh, quel bordel! C'est chez toi, Jean-Louis? C'est prise de balle irlandaise, non, intervention de M. Cotta. Qui ne voit que ça, une faute, il a vu... Tatillon, M. Cotta, oui, j'ai l'impression qu'il a décidé quand même d'imposer quelque chose, M. Cotta. Et c'est assez regrettable car il hache chemache. Touche, belle touche pour les Irlandais avec O'Brutus. O'Brutus qui essaye de défoncer bien évidemment la place du Capitole. Mais ce sont les Irlandais qui ont la balle et qui pénètrent dans les 22 mètres. Place juste au soleil. Rémusat maintenant. Ouais, au soleil, effectivement. Du brun de soleil. Henri Rémusat et nous remontons vers les galeries Lafayette. Mais les Irlandais ont perdu le ballon aussi. Il pousse, il a le droit de le faire puisque c'est dans l'axe. Il reste sur ses pattes. Mais les Irlandais bénéficient encore d'une bonne attaque. Ils ont le rhythm, ils ont la vitesse, ils ont la précision. Mais la défense toulousaine est pas mal. La défense toulousaine est pas mal, même si elle perd quelques mètres ou centimètres à chaque fois. Attention, ça va vite sur les sorties de balle. Ireland qui met le pression maximum, 28 minutes de jeu. Et ils sont là aux abords, pas loin de l'embut toulousain. Mais celui-ci se défend. Le peuple rouge et noir, plaque à tout va. Il s'est fait faucher, même l'Irlandais. C'était, oui, William, le bus dit la bûche. Attention, ils ont gagné un mètre, là, facilement, les Irlandais. Et lui était scellé. Si on peut lui récupérer le ballon, c'est pas plus mal, il était scellé. Dommage. Bonne technique défensive, mais qui ne profite pas aux Toulousains. Oui, mais c'est du lourd. Ça joue, il a le droit de le faire. Du moment qu'il pousse dans l'axe du mall, il a le droit de répercuter les adversaires. Sortie irlandaise avec... Et belle offensive, belle attaque. Cette musique qui est en train de les transcender aux Irish, man. Tenter un dédoublé de Dublin. Ouais, mais là, ils y vont pas arrêter, les gars. Bon, soit vous mettez un drop, soit voilà. Mais ils vont se prendre un contre, c'est bon ça, peut-être pour les Toulousains. Ah, si, il faut que la défense tienne à mort, mais là, ça, c'est dur, Jacques. Là, c'est dur quand tu vois que ça arrive de tous les côtés avec une tentative de crochet d'intérieur. Non, il est free. Oh, bien joué, trois mecs. Ah, au contraire, qu'est-ce qu'il fait au Bristol? On refait un double doublin. Plus que 2 mètres, mais cette fois-ci, le ballon est bien contesté, me semble-t-il, par les joueurs toulousains. Ils vont le récupérer. Yes, non. No. Oh là là, ça n'en finit pas. Combien de temps de jeu nous lançons? Forza, au Bristol, qui tentative again, 1 mètre. Oh yes, 1 mètre, ils avancent, ils sont là, les Irlandais, quelle bataille furieuse. Ça peut le faire là. Oh mais la passe était mauvaise, donc il a perdu un petit peu d'allant, d'élan, non, toujours pas. Oh, là. C'est sifflé. Quelle défense de la part du Stade Toulousain. Oh ouais les gars, bravo. Ouais, on souffle de cet effort des deux côtés. À la vôtre. Ah, on est dans quel geste technique parfaitement réussi que dit l'arbitre. Time. Mêlée où il demande vidéo. Vidéo pour voir s'il y a laissé ou non. Le ballon, il est là dans le bras. Est-ce qu'il arrive à toucher la ligne? On ne le saura pas sous cet angle-là. Et regarde, là, les yeux de l'arbitre, il ne regarde pas tout à fait où il faut. Voilà, maintenant, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Trop tard, Jean-Louis, t'as pas la caméra derrière. La caméra 16, Jean-Louis, celle qu'on t'a offert à Noël. Voilà. Oh, yes, le ballon a surgi. Et je pense que oui. Je pense que oui. Regarde la main qui sort avec le ballon. Là, oh, magnifique. Il a pondu le ballon. Superbe, goal par Irlande, me semble-t-il. Ici, essaie pour le Leinster, Jacques. Non, je vais vérifier sur mon écran de contrôle personnel. Essaie pour le Leinster. Monsieur Cotta, en direct avec le CSA. Goal! Yeah, voilà. peuple irlandais qui laisse exploser sa joie, bien évidemment, puisqu'on les a dit. Après une action tout en force, mais avec quelque peu de technique tout de même. Oui, je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment réagir sur le site Sportaz. L'onglet réagissez et vous envoyez un petit message in live. Bien évidemment, bien, Jean-Louis ne nous remontre pas toute l'action parce que sinon il y en a pour 300 heures avec ce ralenti là. C'est vrai que l'action était particulièrement longue. Le ball laissait des traces dans les deux équipes. Elle laisse surtout des points aux Irlandais qui vont revenir. Vu aussi, ils vont même passer devant, Jacques. C'est ça, ils sont déjà devant. Ils sont déjà devant. Ils vont mettre à 3 points du coup là. Aïe, aïe, la transformation. Oh. Ils reviennent complètement dans le parti. 30 minutes et 11, 13, 10 pour les Irlandais. Oh, ouais. Oh, oui. Eh oui. Ah oui, il est là. Ils approchaient depuis quelques temps. Ils gagnaient sur les impacts. Ils progressaient, bien évidemment. Ils marquaient. On parlait des rencontres des directeurs de l'innovation. Ah oui, on en parlait tout à l'heure, la rencontre avec Ginovation. L'entraîneur, tout simplement, des quadruple champion d'Europe, quelle musique derrière, je sais pas ce que c'est, mais alors les mecs, ça me fout une trique, ce truc là, je dis malin, je me trémousse. Yes, c'est reparti, ouais. Leinster, Toulouse, ouais. En direct, 30 avril 11, demi-finale de Coupe d'Europe de rugby, c'est reparti avec 3 points d'avance. 30 avril, hein, Leinster, donc. Ouais. 30 avril. Ouais, alors ça va être, voilà, c'est ça le problème de ce match un petit peu, ouais, c'est beaucoup d'encombrement, voyez-vous. Et là, d'un seul coup, on bombarde. Yo. Récupéré par Heyman. Oui. Frère Heyman. Ah, ouais. Frère Heyman. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Toulouse est vexé, bien évidemment, Toulouse est vexé. Il va vouloir montrer que cet essai-là n'a rien entaché sa volonté d'aller en finale de cette compétition. 340. Ah oui. Aïe, il cherche EADC. À 320, oui, maintenant. EADC qui passait magnifiquement 100 mètres de pied en touche. Il peut conserver le ballon. Ses partenaires sont-ils là pour le récupérer? Non, sous l'impact, ils sont battus. Ils sont en retard dans la conservation, mais ils le prennent quand même. Ils l'ont. C'est sorti. Oh, c'est sorti. C'est sorti quand, ça? Quand? Mercredi dernier. Un capitaine Katanga qui bouscule. Pourtant, on dirait pas comme ça avec son gabarit. On le croit fin, mais il a une puissance et une tonicité telle qu'il défonce sa mère. Il est vrai. Sortie Toulouse avec William Serin qui gagne quelques points. Et ça continue avec Brutus Johnson qui vient se poser. C'est la sieste pour quelques joueurs, une micro-sieste. On l'a vu avec une grande ouverture à l'avantage de Toulouse. Jean-Pierre Villepreux, c'est bien ce qu'il fait. Oh, là. Jean-Pierre Villepreux, dommage. À la rescousse, il y a Camberou qui, intervention. On a ratissé le ballon à la main du côté toulousain. Quel dommage de perdre les pénales comme ça alors qu'on est en attaque et en position de pouvoir marquer des points. Non ! Il y a moins de tumulte quand même dans le rugby que dans le foot, en parlant en propre. Oui, vous voulez signaler les affaires, c'est ça, hein ? Les affaires. Les sales affaires. Les affaires sales, vous préférez. Hein, ouais. C'est ça que vous voulez signaler, Jacques. Un peu. Les affaires. Non, c'est ça qu'il voulait faire. On revoit ce que fait Eman, et là il est seul. Dans la défense, les Irlandais sont très forts. Hein. Qui veut salir le foot? Le rugby. Des usages nouveaux. Un peu, peut-être. Rapidement jouer cette touche, plus rapidement que la gorge récupère, avec le docteur Bédard qui ferme tard le soir mais qui fait n'importe quoi. Oh, qui carrément. Finalement peut la donner. Oh là là là là. Strike. Oui, porte à porte, ça a l'avantage du français. La porte irlandaise étant moins solide sur ce coup-là. Là là là là là, c'est sorti. Titi. Ballon remonté par Heyman. Heyman qui transmet à Popol. Popol, Arbalète qui défonce le casse. Ah oui. Ah, mais ça va marquer pour Toulouse, ça va marquer. C'est bien bonbon. Bonbon, c'est bon, bonbon. Qui recèse sa serre, là, des défenses. Magnéto au sol. Ok, ouverture, pas de coup de pied, on peut encore avancer. Allez, Brutus Johnson, il n'est pas assez lancé pour pouvoir défoncer partenaire et adversaire. Et là, il peut peut-être le récupérer. Non, c'est limite. Hein. Ah, c'est quand même limite. Avec William Serin. Oui. Très bon, sa passation de balle. Bonbon, pas mauvais non plus. Il y a du soutien, c'est bien. Toulouse se fait passer le ballon, n'arrête jamais le mouvement. Propre. Dommage du trébuchard. Très bon, toujours très propre. Boudiou, on avance. On évite même l'adversaire et le contact physique. On gagne quelques petits... Oui, regarde, on gagne 1 ou 2 mètres. C'est évident, là, on le voit bien. On est vexé. Oui, on est vexé. Et on va les marquer, Toulouse est champion d'Europe en titre, et on a dû des carapas. Mais quelque part, Monsieur Cotta siffle là. Oui, je crois qu'on a fait un en avant. C'est Brutus Johnson qui a fait un en avant avec la tête d'un adversaire. Et ce sera donc, me semble-t-il, une mêlée au bénéfice des Irlandais. I transmit you your mother. I transmit you your mother. Goodbye. Sibérie, c'est plus merci Jean-Louis. Suisse. Pas de suite Jean-Louis, pas de suite. En Sibérie ou en Suisse alors? Où est-ce qu'on envoie Jackie? Jean-Louis, s'il te plaît. Tu me dis, hein, les tu indications. Tu reviens sur la pelouse, je sais pas ce que tu quoi, as quoi, on ce doit bébé, aller en là, Afghanistan mais... Alors, mais qu'est-ce que tu racontes là? Jean-Louis et Jacouille sont dans un bateau. Bien évidemment, et Jean-Couille tombe à l'eau qui est là, cette île. Mais que se passe-t-il? Alors, c'est une mêlée, hein, bénéfice des Irlandais. Transmettez mes amitiés, bien évidemment, au préfet. C'est le feuilleton. Ah non, c'est le journal. Ah, pour des savoirs. Désolé, c'est le magazine. Ah, non, c'est la pub. Ah non, c'est fini. Très joli plan, Jean-Louis. Hein. C'est pour l'office du tourisme qui doit te demander de telles images, parce que là, je vois que tu nous gaffes. Mais les Toulousaines, Jacques, ça change tout. Elle est bonne, sur le côté là-bas, il y a un truc à faire à deux, à trois, à l'intérieur, et man, Claire de Notaire, Vice-Larman. C'est pas fini. De toute façon, ils ont un avantage. Ils ont un avantage, donc même s'ils venaient à marquer, l'arbitre considérerait que l'essai accordé, à moins qu'il signale la pénalité ou qu'il laisse développer cette action. Non, il intervient. Oh, il est trop rapido, monsieur Cocoteau. Kiki, il indique quoi? J'ai l'impression qu'il indique une mêlée avec peut-être une faute et peut-être même un avertissement. Attention. Instapfeninstum, Demberberger, Unsting, Dexturm. Dehors! Ce qui est de l'Autriche. C'est ça, c'est du dialecte autrichien. Oui, excusez-moi. Raus, il lui a dit. Oh, le capitaine expulsado. Ah, c'est plus pareil. C'est pas pareil. Finalement, c'est une pénalité au bénéfice des Toulousains. Je pense qu'ils vont la tenter, ça les remettrait à égalité avec le Leinster, mais surtout, ils bénéficieraient, Jacques, de la supériorité numérique. Alors, que faire? Prendre les 3 points et 3 points. 3 points. Oui, prendre les 3 points et ensuite profiter de la supériorité numérique pour aller essayer de creuser les gnards. Tu es du point. Et on va voir cette perte de balle. Alors, que s'est-il réellement passé pour que le capitaine soit ainsi expulsé? Ouais, a-t-il fauté direction le tribunal? Enfin, le rugby, c'est compliqué hein, par rapport au foot, hein, quand même. Sur certaines actions, effectivement, Jacques, il y a confusion. Le foot, ce qui est compliqué, c'est ce qui se passe en dehors du foot, hein, du jeu. Hein, mais au rugby, c'est un peu l'inverse. C'est très simple à comprendre au niveau de la fédération, tout ça. Par contre, au niveau du jeu, c'est pas toujours simple. C'est le paradoxe. Hein. C'est le paradoxe. Il est là, Brian Bristol, finalement. Il s'est dit, je vais peut-être plus profiter d'avoir un quart d'heure pour aller au mariage. Ouais. Hein, de toute façon. Peut-être qu'il va se Il va le regretter. Et on voit un clerc de notaire qui ne peut échapper au dernier défenseur. Il fait un travail extraordinaire, en l'occurrence, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et on a vu pourquoi au Bristol s'était fait sanctionner lourdement. Attention à cette pénalité pour le Stade Toulousain. Elle est lourde de conséquences. Avec Bonbon Créma et ses implants. Oh là, quel tout face il a sur la tétoune. Attention non. On écoute Jean-Pierre Overdrive. Oh yes, good, very good play, c'est goal. 3 points. Toulouse qui colle au cul du Leinster, tout va bien, Égalité. Est-ce que tu remets du pâté, Jacques? Fraternité. Jacques, arrête, tu me fais peur. Arrête, il y a des enfants qui écoutent. Égalité. Égalité, oui, 13-13 pour un match de 15, c'est un petit signe quand même de la part de la Fédération Française du jeu à 13. Faut voir. Qui a tant de nombreux licenciés. Oui, Brice Paul va s'en vouloir, hein, je pense. Brice Paul. Brice Paul, hier soir, ouais. Effectivement, beaucoup chahuté. A levé la jambe un peu plus que d'habitude. Même les deux parfois. Attention, ce ballon récupéré par Picaboul. Oh là là, Picaboul, mais ils n'arrivent même plus à le foutre en touche tellement il est solide. Mais chaque fois, il fait cette petite faute de relâcher le ballon sans savoir à qui il le donne. Et ça peut créer le danger de l'autre côté. C'est une erreur à mon sens. Plouc. Luke pour l'Irlande qui cherche Clang. Ouais. Luke et Clang, hein. Magnifique ouais, paire là, d'amis. Là, ils ont perdu le patron. Et là, c'est bon pour ça. Tolos, Tolos, Tolos sale. Oui. Avec le comte Phébus, Gaston. Uh-huh. Gaston qui fait mine et qui fait bus. Vient jouer pour Poitrine de Beau, qu'on a très peu vu d'ailleurs. Hein. Et Donjon. Certains disent qu'il est cuit, d'autres le trouvent moins saignant. Poitrine de Beau, il y a qui Claire de Notaire maintenant. Oui. Oh, quel magnifique déblayage de la part de l'autre. Sorti de la cinémathèque. Oh, oui, c'était. La médiathèque maintenant. Oh, oui. Oh, il a été pris avant de pouvoir jouer la balle. Que dit l'arbitre ? Rien du tout, puisque Toulousain conserve le cuir. Le cuir. Ah non, ils l'ont perdu. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est perdu. Faute pourtant. Oui. Enfin, ouais. Apparemment, bon, mais l'arbitre étant mieux placé et plus professionnel que toi et moi réunis, je pense qu'il n'y a pas de souci en ce qui nous concerne. Attention, je vois qu'il traîne. Shaymans, Freymans. Shayman, ouais, c'est ça. Shaman. Shaman. Comme tu veux, Jacques, comme tu veux, nous jouons pratiquement la dernière minute de cette première période. Les deux équipes sont à égalité et nous allons aller nous faire l'hyposucer à la mi-temps. Et donc, ne soyez pas en retard, hein, s'il vous plaît, car j'ai le matériel pour pas longtemps et je ne sais pas très bien m'en servir. Donc, ne soyez pas en retard. L'hyposucer à la mi-temps pour tout le monde. C'est gratuit, venez me retrouver. Déjà un changement, tiens. Côté irlandais, on va jouer cette touche en se disant qu'il va falloir faire quelque chose. Oh là là, mais il est là le prince de Galles finalement. Allez, hein, c'est parti pour les Irlandais qui y croient, ils savent qu'il faut l'emporter peut-être. Mais, mais pourquoi tu leur mets chaque fois de la bonne musique pour qu'ils attaquent pour l'été pour la Leinster, mon salaud. Irlandais, Irlandais. Oh, c'est reparti pour un effort fort, fort. Je pense que c'est ce short noir là qui leur apporte cette vigueur extrême sur certaines phases. Aïe. Et il compte sur le compte. Ah oui, Arbalète qui est allé avec tout réuni. Et finalement, ils attaquent les Irlandais, mais ils ne progressent pas. Ils sont même bien repoussés par la défense toulousaine. Même s'ils vont conserver le cœur, il avait le droit de le faire. Ah non, il a poussé comme il fallait. Les Irlandais encore sanctionné. Pénalité pour l'Irlande. Ah voilà. Alors qu'ils sont en infériorité numérique, ils vont prendre l'avantage sur cette faute d'Arbalète. Ça me paraissait pas évidente. Oui, mais non, mais ça il me semblait qu'il avait respecté la règle jusqu'au bout, c'est-à-dire être bien dans l'axe du môle pour pouvoir pousser, tu vas voir. Hein, jusque-là, tout va bien. Et tu vois, il passe bien dans l'axe du môle, me semble. Oui, mais il n'était pas sur les deux jambes, je crois. Et sur quoi il était ? Sur les mains ? Seul. Non, mais... Regarde. Ah, regarde non, bien. Non. D'avoir les deux jambes sur le c'est sol. C'est un petit peu sévère de la part de Monsieur Cotta, qui a peut-être reçu des consignes. Ça pourrait redonner du baume au cœur pour ces Irlandais et rattraper par ces Toulousains. Mais attendez, mais du baume au cœur, ils n'en ont pas besoin. Ils ont 35, 40, 50 000, 60 000 personnes derrière eux. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir du baume au cœur. C'est Toulouse qui doit être supporté par vos saloperies. Peut-être, vous n'êtes qu'un fumier, vous êtes un traître. L'Irlande souffre de ces enculés de banquiers qui ont mal joué. Je vous conchis. Qui ont mal fait le boulot. Je vous conchis. L'Irlande souffre. Cette musique nous fait du bien. Oui. Pénalité on se recompose dedans pour les Irlandais. C'est parti, c'est 3 points de plus à côté. Parce que je m'attends toujours de ce drapeau ukrainien qui flotte dans la ville. Tchernobyl, que tu disais, le 25 avril, Tchernobyl avec 3 atomes secondes, la CRIRAD, votre site. Vous n'imaginez pas combien nous sommes de faire un an de Radio Sportaz. Bonne fête à tous. Ah, ça va pas, non? Non, pas du tout, hein? Bon, je vais chercher le matos. Nous avons gagné un auditeur au cours de cette première période. Bravo. Merci, bravo. Chiffre officiel, bien évidemment. We'll be right back. detto l'arte è sempre stata borghese, che non vuol dire niente. Scusa, ma tu sei un artista? No, sono. E che cazzo le interessa? Io non sono. Dai. Mortacci tua. Cosa ti interessa? Dai, basta. Diglielo Franco alla romana, di mortacci tua. Non è un artista, che io prego dell'arte, a sto stronzo. Per favore. Queria poder traduzir o cheiro do sertão, de quando eu vim embolada, mangue, frevo, forró, e senti a alma elevar, os pés arrastar, descer suor. Mesmo estando na selva cinza de concreto armado, ficava feliz quando depois da noitada, na ponte Rio-Niterói, de volta pra casa, avistava incandescente sobre a aurora inácia. Pausa, momento de refúgio, redenção. E por isso digo que enquanto o sertanejo rezava pra chover no sertão, eu estava no campo minado esperando a explosão, entre a realidade e a verdade em alucinação, sonhando rumo a Plutão, Plutão, Plutão, Plutão. As ideias esmaem, mente em contradição. On en même jusqu'au grand-père qui était pasteur et qui à la fin de sa vie thank you. fournée de stars dans les... Postiche, c'est notre grand jeu. Tous les nouveaux jours, comment on les images hein, qui a de la postiche et pas postiche. Donc l'un de nous deux a du faux, l'autre a du vrai. C'est à vous de retrouver lequel des deux s'est fait poser la postiche ce matin chez lui. Quelques instants, la reprise de la deuxième mi-temps de Sporta 720. Oui, qui vient couronner une année de labeur, puisque c'était en quelque sorte l'anniversaire de Radio Sportaz. Mais eux, ils me connaissent, parce que j'en manquerai de parler aussi. Et il s'en est passé pendant cette année. Nous allons d'ailleurs vous repasser au cours de cette période pratiquement tous les matchs que nous avons réalisés au cours de cette année 2010-2011. Ralenti, Jean-Louis. Il nous montre. Ouais. Jean-Louis, ça va. Ça va, Jean-Louis, je t'ai dit. Ça va. C'est pas sympa, Jean-Louis, à montrer l'essai comme ça, c'est pas sympa. C'est pas sympa, t'es qu'un rat. Tout le monde est en place. Alors, madame, il faut sortir là maintenant. Non, sérieusement, il faut sortir. Et donc, si tout va bien, dans quelques heures, nous vous enverrons un mail avec peut-être le Video Sportaz Resume Mix, le Sportaz Video Resume Mix, ou tout autre nom. En tout cas, une petite vidéo résumée du match commenté avec un petit résumé du match commenté. Ah, avant la promo, c'était lui, c'était son truc, les messages. Mais là, il nous a le dégoût. Même pour ses propres produits, ça le dégoûte, la promo. Eh bien, postiche ou pas postiche, le jeu continue. Vous n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire sur site Sportaz, l'onglet réalisé. Qui a la postiche? C'est toi, c'est moi. C'est toi ou c'est moi? C'est pas moi, a priori, postiche, c'est pas mon stiche. Moi, mon style, c'est plutôt le costard, la cravate, et puis bien sûr, le mic. Le mic, c'est toute ma vie. Le mic, j'ai rêvé de faire du mic. Et voilà. Et voilà, c'est ainsi que ça sève ce jeu. Et nous allons donc rendre l'antenne. Postis, pas postis, vous répondez sur Radio Sportaz, le site, l'onglet réagissez, vous dites qui est postis et qui est pas postis. Allez, salut, tiré par les cheveux. Alors toi, tu penses quoi? Je sais pas, facile, hein, parce que les postiches cette année, ils font vachement naturel, avec des belles couleurs, tout ça, les poches veloyées. Alors c'est pas facile à savoir si c'est postis. À mon avis, c'est le gros. Je crois que c'est le gros il est plus naturel, je crois que l'autre, ouais, le petit il a les cheveux trop ras, c'est trop parfait, je crois que c'est ça la postiche, l'autre le gros c'est plus naturel, donc à mon avis c'est le gros qui est naturel, c'est postiche, l'autre c'est pas postiche, il y en a c'est pastiche, l'autre c'est postiche, voilà, je pense que c'est ça ma réponse pour ce soir, j'ai le match à suivre, là, vous êtes gentil. Deuxième mi-temps donc, tout de suite. Ils sont là. Avec le capitaine qui a été mis sur le banc à l'école pour réapprendre bien évidemment le B.A.B.A. du rugby, R-U-G-B-Y, je répète, R-U-G-B-Y. Attention. Je te retrouve derrière la mairie à 18h30. Time shift pour ceux qui veulent, time shift. Retomber, Toulousaine. Non, pas du tout, Jacques. Alors, non. Trois petits points d'avance hein, pour Leinster dans cette seconde mi-temps, pour cette première demi-finale. En vous annonçant que c'est demain, même, nous serons là à 16h aussi pour la deuxième demi-finale. Ah, attends, je te rappelle qu'il y a un petit dilemme quand même, hein, puisque nous avons eu une autre affiche à 15h concernant un autre sport. Ah, oui, c'est vrai, Arsenal contre Manchester. Alors à voir, nous déciderons, vous le saurez demain bien évidemment. Tchou. Avec le ballon récupéré par les Toulousains qui attaquent avec Heyman qui met le petit coup de pied à suivre. C'est pas cool. Claire de Notaire qui n'a pu récupérer la balle. Quel toto ma je. Jean-Louis, remontre-nous, c'est ralenti, on a été débordé. Ah ouais. Bordé, Jean-Louis, on a été débordé. Ah, sur ce coup-là, ils n'ont pas eu le ballon favorable, le rebond du ballon favorable. Bien, Jacques, tu t'es bien rattrapé parce que là, tu étais vraiment mal parti. Hein. Ah oui, lui, bien, il est là. Il le pousse en dehors du poteau exprès, bien évidemment, pour récupérer. Lâche-tout, ouais. Tout à fait. On revoit ça, Jean-Louis, on ralentit, Jean-Louis. Ah. Bouclage de budget. Ça serait pas mal, ça, monsieur. Monsieur. Attention, c'est un bouclage. C'est un mêlé. Mêlé, oui. Avec Brutus Johnson qui défend son adversaire. Ouais, ouais, le ballon ne bouge pas. Le tenir. Rien ne bouge. Hein. Rien ne rompt. Mais si, finalement. Non, il y a un côté qui a cédé, c'est le qui rond a, qui ouais, rompt. Qui a rompu. Est-ce qu'on peut voir qui a lâché Jean-Louis? Qui a lâché la caisse dans la mêlée et a fait s'effondrer les guichis? L'odeur tellement nauséabonde, bien évidemment. Ça fait du nez, Jean-Louis. Avec la chaleur des hommes. Vous avez dîné aussi. Lucevita a tiré. Vous êtes dégueulasse, Joaquin. Effectivement. Oui, effectivement, tout le monde le dit. C'est confirmé. C'est une mêlée, cette fois-ci elle est toujours remêlée, hein, toujours du stade toulousain. Alors, mêlée bis. Alors il faut la jouer et marquer très vite. Qu'est-ce que t'en penses de mon programme là, Jacques? Jouer et marquer très vite. Mail.com. Votez pour moi. Et intervention pénalité signalée par monsieur Coca. Coca-Cola. Alors si vous voulez envoyer un mail dans le monde entier, une seule adresse. Hein. Laquelle? Lemonde@tout-le-monde.com C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Je vous rappelle que les textes de Sportaz ne sont vérifiés par personne avant, bien évidemment. Et là, vous accédez à tout. Ouais. Ah, oui, oui. Avec des mails. Même à personne. Avec Ginov, hein, avec ce... il lui manque une étoile sur le survêt à lui, là. Oui, mais il se met un point dans la gueule quand même. Il est pas content de lui, il se tape. Pas content de lui, il se met un point sur la gueule. C'est ça aussi, Jacques, là. Ah, la volonté d'aller toujours plus haut, plus loin, plus fort. Grand homme, un grand entraîneur. Sous-évalué hein, par les médias nationaux. Non, je pense qu'ils le craignent. Hein, plus qu'une sous-évaluation, je pense qu'ils craignent son côté authentique, et comme les autres, ce sont des foireux dans tous les sens. Donc, je veux dire, je pense qu'ils le craignent un petit peu quand même. Alors, Jean-Louis, tu me prends cette mêlée comme il faut, Jean-Louis, parce que je te demande. Vas-y. Mais pas chier, Jean-Louis. Avec Baptiste Johnson, hein, qui est magnifique, hein, regarde-le. Ouais. Belle frisette. BG. On a une production. Ouais, avec Picaboul. Est-ce que Picaboul va garder cette balle pour aller presser? Ah non, c'est mal joué. Bien vu de la part de son partenaire qui a remis ce ballon. Oui, goal. Double. Et ça rentre, bien sûr. C'est Picaboul. Picagol. Okay. Picamol. Picamol. Pikachu. Pikachu. Essai de Pikachu pour l'équipe. Pour l'équipe du Stade Toulousain, et un essai. Certes, facilité par l'absence, bien évidemment, d'un joueur irlandais. Ouais, oh là ouais. Là, il y a quelque chose. Capitaine Katanga n'est pas bien du tout. Non, moi, est-ce qu'il observe l'insecte? Non, Jacques, il n'est pas en pleine prospection animalière. Non, il n'est pas éthologue. Il est éthologue, mais là, il est étalé. Là. On voit ça au ralenti, Jean-Louis, avec cette balle qui était sauvée, finalement. Et Picaboul, qui avait mal joué le coup au départ, se récupère à l'arrivée. Et c'est pour... Disons, ce demi-mêlée toulousain, hein, il joue comme un talonneur, comme un talonneur. Et Picago par le stade toulousain. Qui de suite, très vite. Ah oui, bah remets la barre. Reprends les rênes. C'est la tournée du stade. Oui. Ouais, ça nous promet de belles chevauchées, de belles envolées, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Deuxième essai. Retrouve-moi au 08-682-333. Je te fais tout. Alors, le capitaine Katanga qui revient. Tu as pris le temps de noter le numéro. Oui, tout à fait, j'ai noté. Capitaine Katanga revient, tu dis? Oui, oui. Bon, on va tenter donc nous aussi la transformation de cet essai. Il faudrait qu'il se magne un peu quand même de taper ses goals. Effectivement. In. 7 points de plus pour le Stade Toulousain qui est à 20 désormais. Et qui met le Leinster à plus. D'un 3 points. D'un drop ou d'une pénalité en tous les cas. Ouais. En fait, cette musique me trouble là, qui me chauffe de partout. Est-ce que tu peux. Tu viens? Côté trouble, effectivement, les Irlandais ont eu un tunnel, un shuttle. Alors que la Fédération Française de Football a plutôt un troublant en ce moment. Oui. Voir un tournon. Il est là, capitaine Katanga, ouais, ils lui ont tout pété, hein, ils l'ont mis en 3 épisodes, vous voyez là, il y a les jambes qui s'assoient et le reste suit. C'est un petit peu délicat pour lui. Qui l'a remplacé, je veux savoir. Ah, ça doit être du foutoir. Ah bon, le capitaine d'anthologie. Il a fait ce qu'il fallait, lui, là. Basketteur, le Michael Jordan du club. Les Irlandais qui sont toujours à 14. Les Irlandais, oui, parce que là il glisse un peu, donc. Le ballon récupéré par le Leinster. Leinster, ouais. Jovial, d'après un ami. Slave of the Rhythm. Donc Grace Jones maintenant qui il transmet parfaitement. Et bien prise Grace Jones par la Vion Rose. On va le récupérer par personne. Est-ce que le capitaine du foutoir est rentré? Est-ce que tu me le confirmes, Jean-Loup? Jean-Loup, moi j'en vends. Jean-Loup, on est en demi. J'en achète, les amis. C'est l'anniversaire. Oui, c'est l'anniversaire, Jean-Loup. Joyeux anniversaire Radio Sportaz. Jean-Loup, arrête ta flûte. N'oubliez pas que Sportaz est bien antérieur à Radio Sportaz, bien évidemment. Sinon, oui, Radio Sportaz n'aurait jamais pu exister, bien sûr. Chabal. Non, il joue pas. C'est là. Un week-end de Shabbat pour lui. Ben non, Irlandais avec une pénalité à couvrir. Venez, si jamais il ne venait pas à braquer. Plaqué par DOS Toulousain, c'est mieux. Alors, est-ce que l'avantage peut s'arrêter, Jacques, à un moment donné? Est-ce qu'on arrête quand il y a un avantage? Est-ce qu'au bout d'un certain temps, l'avantage peut s'annuler? Ben, dès que c'est sifflé, la fin. D'accord. Je me demande pourquoi je te pose des questions à toi sur les règles du rugby. Faut être un peu con. Visiblement, l'avantage était encore en vigueur du côté de monsieur Cotacola. Et puis, ce sera donc une pénalité pour les Irlandais. Ils vont également pouvoir revenir se coller à un point du Stade Toulousain, car elle est tout à fait transformable. Ce ne serait que justice, hein, pardon. Ouais. Est-ce qu'on peut m'arrêter cette musique là derrière là-bas? Moi aussi, on peut m'arrêter. Ouais. Arrêtez Jacques aussi, maintenant que vous y êtes. Arrêtez tout, j'aimerais que l'on reprenne un petit peu le poil et la bête. Le début de cette idylle entre ces deux personnages. Poisson de type poisson, des petits poissons de roche. J'ai du mal à sortir, ils étaient bien planqués, les petits poissons. Il y a de la bouffe qui se perd, hein, plutôt. Hein. Tous les jours, l'industrie alimentaire ne fait pas que du bien. Qu'est-ce que tu veux nous dire là par là, Jean-Louis? Que tu veux nous dire par là? Il prend le ballon et donc... Ah, alerte. Ballon rouge. Je ne sais pas ce que veut nous dire Jean-Louis. Il y a une image. Jean-Louis, qu'est-ce que tu veux dire? Quoi, il a un pied là, un pied là-bas. Et donc? Et donc, il se rentrait normalement. Le ballon revenait au Toulousain. C'est ça? Je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas ce qu'a voulu nous dire Jean-Louis. De toute façon, il ne connaît rien non plus, mais il a vu une image sympathique. Il s'est dit, voyons, attention à lui. Il regarde bien si la tour Eiffel est belle. Il regarde, il s'applique. Oh là là, faut aller voir les barres dans ce bordel. Effectivement, faut être quelqu'un. Oh, c'est magnifique, c'est dedans goal. Ouais, faut être barjo. Oh là là là là là là là. Et goal irlandais, les Leinster Jovial qui revient à un point du Toulousain malin. Rien n'est terminé. Prenez le bus. À proprement parler. Oui, proprement le bus. Hein. Proprement. Voilà, j'espère qu'il roule proprement. Cougnon. Oui. Qui va faire cette remise en jeu? Il joue Cugno pour Toulouse Occitania Club, le TOC. Jean-Louis, s'il te plaît, tu sers maintenant. Jean-Louis, applique-toi, nous sommes à la 48e minute de jeu, si je ne m'abuse. Hey, il y a eu des points marqués. Oui, c'est vrai, de laisser un peu aussi du jeu, de la défense, de l'attaque, du panache. Oui, un peu comme en début de match, Jacques, où le Stade Toulousain a marqué très vite un essai et ensuite le Leinster est revenu avec des pénalités. Ça joue, d'accord. Chelsea qui récupère Drobga. Oui, Chelsea. Est-ce que Liverpool est bien en défense, hein? Liverpool, vous voyez. Oh, c'est magnifiquement fait de la part de Gérard. Gérard qui bloque l'attaque adverse et le Chelsea qui repart. Chelsea avec un bon coup de pompe d'Anelka. Une belle ouverture, mais celle-ci n'ira pas où il faut. Récupération du ballon par Dementiev pour Liverpool qui va pouvoir dégager. Merci, bonsoir. Jeu. Alors demain, il va falloir décider quand même. Ah. C'est du foot ou du rugby demain? Du foot anglais de qualité. Du footby, comme on dit à la FFF. Alors, on dit du gros bordel, on dit du côté de la FFF, la panique et des démissions à venir. Oui, pénalité. Tournons la page, dit-on. Mais pourquoi tu reviens avec ce monsieur Quignet? Ah oui, c'est d'accord, le directeur de la communication de la Fédération française. Et depuis fort longtemps. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Dans la place. Arrête-moi ça immédiatement. Tu vois pas qu'ils attaquent les Irlandais là? Ils sont en train de nous refoutre la pagaille. Je ne sais pas s'ils sont revenus à 15, mais ça commence à faire mal. Qui va récupérer ce ballon? Il faut que ce soit toi, 15, oui. Sors-le, foutu bordel de... C'est cool. Oui. Allez, contre-attaque avec Jean-Pierre Kukinieff. Jean-Pierre Kukinieff. Oui. Oh, la fin magnifique. David Pellerude qui se remet. Oui, il peut la donner. Il n'y voit plus ce garçon. Si, c'était dans l'action. Il n'a plus ses yeux. Oui, mais quand même, entre le bleu et le rouge, il pourrait quand même faire attention. Et sortie du ballon pour les Irishmen. Oui, il est là du foutoir. Hein. Je pense que c'est lui qui a commencé à mettre le premier plaquage sévère. Et Leinster qui attaque avec... Peter. Oui, on évite le contact. On cherche la petite faille. Elle ne sera pas là. Démerdard est là. Docteur Ménard. Démerdard, j'aime bien aussi. Le docteur des merdards avec un ballon donc récupéré, il y aura peut-être une faute. Non, rien du tout, continue à jouer, dit monsieur Cotacola qui cherche ô combien ça coûte. Ah, quel reportage gazeux. Mais le ballon est bien pour les toutounes irlandaises qui attaquent avec un coup de pied assumé. Attention, oh là là. Evan s'est déchiré le short. Lui, et il peut contre-attaquer. Il est bon. Vas-y, course, Dicky, voilà, tacle des gros en face. Tacle lui, comme taquinte avec le capitaine Puttefort. C'est bon avec Pichoun. Ah, c'est la belle petite action. Mais ils sont coincés sur le côté. Il a envie d'y aller tout seul, dommage. Il redouble, mais. Ils ont pris l'habitude de faire cette petite passe là, effectivement. Chaque fois, ça atterrit dans les mains adverses. C'est dommage. Ils remettent en jeu l'adversaire, effectivement. Mais pourquoi pas encore récupérer ce ballon. Alors que William Serin n'était plus tout à fait. dans le serein. Il a failli crocheter l'adversaire, ce qui est interdit au rugby, je vous le rappelle. Avec ce ballon bien, il peut aller le gagner. Regardez, il le pond, mais personne n'est venu l'aider. Oh, c'était joliment fait ce pont. Et ce sont les Irlandais, mais qui ont reculé quand même. Hein, je dois le dire, bonsoir. Reculade, reculare, recularum, du latin reculum. On bricole et revenu. Je bricolume aussi, oui. Bricolume. Si, parastade. Ouais. Avec cette balle, oui, il a raison, hey man, tout le monde, oui et non, il a raison, récupérade Irlande. Il rend un peu le ballon, mais sinon il a quand même raison de ramener le jeu dans le camp des Irlandais. Il y a ça s'accélère, c'est speed. Oui, ça sent le coup de quelque chose. Mm-hmm. Ouais, le panique, le KO technique, KO. Oh, attention à la percée de celui-ci, il n'est pas plaqué, mais bon, c'est pas le plus rapide, ça fait rien, il va quand même, il faut le prendre. Ah, oh, quand même, dans les 22 mètres, les Irlandais vont récupérer ce ballon avec Multeschul, mais non, intervention de monsieur Cotacola. Puisque ce sera une mêlée para Toulouse. Magnifique défense, magnifique contre-attaque. Le rugby, c'est la vie. Pas vrai, James? Ça infruise. Ça infruise. C'est assez curieux comme... Juste remercier Jim pour tous ces sons du jour. Ça infruise donc, hein, c'est ça. Ah oui, effectivement, vous voyez. Ah oui, bien juteuse la fraise, est-ce qu'on pourra voir, Jean-Louis? Ce ballon mal joué, mal négocié par Heyman qui va contre-attaquer magnifiquement. C'était un superbe match. Je vous invite à me rejoindre au Celtic Club juste à la fin. Beaucoup de sifflets réglementaires. Ouais, je prends l'ascenseur. Évidemment, Jérôme Bonadi, normalement c'est pour vous cette question. Hein. Alors, cette question, Jacques, elle est pour toi. Par contre, c'est ce que je vais te poser en cas de prolongation. Que fait-on? On prend des risques. Si c'est un festival, vous connaissez. C'était bien joué de la part des Irlandais, c'était un festival de passes effectivement et d'envoler avec ce pilier, tout de même un pilier mon gars. Donc le gars pas le plus rapide, pas le plus véloce, regarde-moi ça comme il arrive à s'échapper et à mettre la panique dans la défense toulousaine. Ouais, on n'a pas de chance en deuxième mi-temps comme en première, hein, côté rebond du ballon, capricieux. Oui. C'est vrai qu'il ne revient pas souvent dans les mains rouges, mais peut-être a-t-il peur du sang. Hein, du sang. Oh là oui, oh là là là là. On fait rentrer quelque chose, ouais, hein, Jockey. C'est le boucher de Leicester qui rentre. D'écarisseur nocturne, autrement appelé l'égorgeur du matin. C'est un homme complet qui est capable d'être tout. C'est la classe. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Regroupement en tout cas là, de l'image. Hein, oui, regardez les mouches rouges. Regardez, voilà, les mouches rouges sont groupées alors que les mouches bleues sont beaucoup plus écartées. C'est les fraises Tagada sur la pelouse d'après Jacques. C'est peut-être une très bonne information d'ailleurs. Et là, c'est un sacré poulet qu'on va faire rentrer pour aller en manger de la fraise Tagada. En grignoter un peu car elle se montre résistante, un petit peu trop même au goût des Irlandais qui sont, je vous le rappelle, menés sur leur pelouse 20-19 et que nous jouons la 53e minute de jeu mêlée pour le stade toulousain dans ses propres 22 mètres. On reprend. Entre quoi? Entre. Entrée. Entre eux, ça se passe bien. Pour l'instant, il n'y a pas sortir eu de ce ballon, de il faut le sortir ce ballon, sinon on va se retrouver dans le mélasse et intervention de monsieur Dakota. C'est vrai, il n'y a pas eu de sale geste, hein, monsieur Dakota. C'est voilà, je suis venu d'en parler. Malédiction de l'addiction. Ouais, c'est-à-dire que ça devient un petit peu plus tendu, bien évidemment. Le score, le temps se resserre. Et bonsoir à ma mère. En fait, pénalité pour les Irlandais peut-être, hein, Jean-Louis. Une pénalité pour Toulouse, une pénalité pour le cocktail, Jean-Louis. Qu'est-ce que tu nous offres? Une pénalité, un drop, un coq, Jean-Louis. Très bien, un bon coq pour cette kin. Ah oui, on regarde ce qui s'est réellement passé. Même au ralenti, ça frappe. Hein. Ça frappe, ça frappe. Qui se décroche, qui se dégage, qui se décoche. Et c'est une pénalité, oui, au bénéfice de l'Irishman. Qui s'est laissé défoncer, on a... Ouais, là, c'est, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait plus, on ne sait qui. On a trop tardé à sortir ce ballon. Ça fait 2-3 fois qu'on ne le joue pas très bien derrière ce ballon. Il va falloir s'appliquer un petit peu plus du côté toulousain si on veut aller en finale contre Pépignan ou Northampton. Mais pourquoi y aurait-il des prolongations d'ailleurs? Parce que s'il y a égalité, il faut bien qu'il désigne un vainqueur. Ah bon? Et comment on désigne un vainqueur dans le sport au bout du temps réglementaire? C'est par les prolongations. Bonsoir. Bébé, c'est la crise, dis-moi comment on s'en sort. Je ne sais pas comment on s'en sortira. Quoi? Je ne sais pas comment on s'en sortira, madame. On infruise, on l'a dit. Attention, cette pénalité elle permettrait au Leinster de repasser devant avec deux points seulement. Quelle course poursuite ici? Peut-être en final. En final. Oh, je prends mon nez. Jean-Louis, calme-toi, calme-toi. Les barres sont distinctes désormais. Ah, oui. Oh, mais il est bon. Dedans. Oh, bah lui, oh, oh, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Wild. On a dit freeze. C'est wild, no? Oh là là, qu'est-ce que c'était? C'était une image particulièrement surprenante. Eh bien, le Leinster jovial passe devant le Toulousain malin, ce qui nous fait maintenant 22-20. Oh, que c'est bien, que c'est bien. C'est impossible. Eh oui, le suspense reste entier, bien évidemment. Les deux équipes ne sont pas très loin l'une de l'autre. Ah ben non, puisque le suspense est entier, je comprends bien qu'on va pas dire ça jusqu'à la fin du match. Oh, Toulouse qui va devoir jouer donc et s'envoyer de nouveau, mais ils étaient bien jusqu'à maintenant. C'est vrai que le moral est au minima. Un beau fiel, hein, le moral est un beau fiel. Avec un ballon, oui. Oui, c'est bien joué ça. Ballon irlandais, il commence à jouer, il commence à galoper. Attention, ils sont en train de nous chiffonner la main. Oh, quel bordel là. Avec Maradona. Maradona qui prend le ballon, oui. Récupérade pour ah oui, faudrait nos pas amis prendre, irlandais là, qui ouais. Profitent un peu. Faudrait pas prendre des points maintenant là, tout de suite là, parce que ce serait vraiment pas bon pour nous. Jacques, ouais, ils mettent la pression, le punch. Ballon rentré dans les 22 mètres avec moult férocité. Engagement suprême de la part des Irlandais qui continuent de progresser. Ça va mal, Toulouse va défendre à bord. Oh, mais bonne défense et peut-être récupération. Du contre. Maintenant, les Irlandais conservent. Ouh, derrière, ça bouge là, ça meuble un peu. Oh oui, oui, très belle défense. Du coup, les Irlandais perdent la balle. Et s'ils peuvent la dégager tranquillement et jouer le petit côté. Mais non, intervention de Monsieur Chonchon, qui finalement a choisi Dakota comme nom. Et ce sera une mêlée au bénéfice des Irlandais. Oh merde, on s'est fait entuber. Ouh, ouverture à nouveau irlandaise. On en veut, on en reveut. Non, c'est le ralenti, Jacques. C'est le ralenti. Oh. Ah, oui. Et pour tout vous dire, Jacques ne regarde pas le match. Là, c'est ralenti. Ah là là, regardez. Oh, magnifique plongeon de EADS qui, en bout de piste, est venu quand même récupérer la valise qui traînait avec un son derrière qui m'a particulièrement plu, je dois dire. Ça booste. Non, mauvaise gênée, continue. Allez, on y va, on soigne tout ça. Ahmed, alors. Comment est-ce que ce soit le club qui s'appelle comme ça? Jacques essaye de voir le temps qu'il reste. J'essaye, 56 minutes et 37 secondes. Pour la suite des événements, car Jacques est attendu bloqué, normalement hein. Pour aller faire la technique ouais. Ailleurs. On est un peu partout, loose. Attention. Attention à cette mêlée. Waouh, derrière. Arrêtez-moi ça immédiatement. Je te dubstep. Ah ouais, ça m'embête. J'ai très, faire très très attention. Ah ouais. Arrêtez tout. Vous êtes fous. Vous ne vous rendez pas compte parce que la lésion que vous créez quand même sur l'oreille interne et le cerveau lui-même. Arrêtez-moi ça immédiatement. Alors qu'il y a un blessé sur la pelouse, je réclame un jingle. Allô, toutes les voitures, je réclame un jingle. Je veux un jingle, allô, toutes les voitures, je veux un jingle. On cherche, hein, ça va pas tarder. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. You asked for it, Omaha. Sportaz! You got it. Sportaz! This is the big show in the Big O. Fact football, this is it. Sportaz. 403-3776. The big show in the Big O. Wow. Sportaz. Sportaz! On dirait du Super Bowl, donc. Pour l'instant, ce sont les Giants de New York qui mènent, je vous le rappelle, 22-20. Ah, on s'est mis au black art. Oh, dis donc. On repassera ce jingle en fin de match, bien évidemment, si nous avons un peu de temps. Et si nous sentons, bien sûr, que la partie est déjà jouée. Mais là, ce sont les Irlandais qui pénètrent une fois de plus trop facilement dans les 22 mètres toulousains. J'ai peur, Jacques, j'ai peur. Leinster est puissant, Leinster est féroce, Leinster est fort. Jackie. Avec Peter qui s'est fait prendre magnifiquement par deux Toulousains qui étaient morts de faim, qui l'ont bouffé au château, C'est féroce, effectivement. C'est féroce, Folda. Oui, allez la France, monsieur. Les Irlandais dans les 22 toulousaines. Mais pas celle du foot. Allez, action. Allez, oui, bon, Jacques, tu récupères la balle et tu fais le contre-attaque. Oh là là, celui-ci qui avait tenté l'infiltration coquine. On reste fort côté irlandais. Le fripon. Là, par contre, c'est plus du fripon, c'est le marteau-piqueur. C'est le marteau-piqueur irlandais qui va, qui vient, qui défonce. Sortie pleine goal. Même si on plaque, à la fin, on s'use, on n'arrive plus à se replacer à temps comme James McGlegan. Oh là là, James McGlegan. On cherche le ballon. Ah oui. On l'attend, il est là. On le voit, on le perçoit. Non, n'allez pas nous faire comme ça. Sortez-moi cette balle, qu'on voit ce qui se passe réellement. Et peut-être les Toulousains ont récupéré sur l'impact. Qui sait ? Toulouse qui souffle. Toulouse déjà mené de 2 points. En plein soleil. Magnifique cette image avec le soleil qui revient sur la pelouse. Au moment où les Irlandais défoncent tout. Dépêchez-vous. Je ne sais pas pourquoi Jacques veut qu'il se dépêche. Mais les Irlandais nous font très mal, même si Toulouse tient. Et s'ils s'en sortent sans dommage, alors ce sera fantastique. S'ils s'en sortent sans short, je veux voir. Avec une pénalité annoncée par monsieur Dakota. Et oui, mais ce sera une pénalité. Sauf si les Irlandais continuent de progresser comme ça. Si près maintenant, des poteaux, ils vont marquer un but en même temps. But et essai. C'est magnifique. Il n'a pas voulu écarter. Goal. Eh oui, c'est le capitaine expulsé tout à l'heure qui vient porter son ball. Et goal. Et au ball. Et au goal. Et bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Les Irlandais. Un Irish try qui fait très mal à Toulouse. Passez-moi l'antenne, fuckers. Thank you, madame. Thank you, mademoiselle. Eh oui, à force, bien évidemment. C'est aussi féroce que le jeu des Irlandais en ce moment. C'est terrible. Hey, superbe infiltration de Bristol, qui a refusé l'invitation et qui a assuré la fonction. Triplette. Il m'est arrivé aussi une petite aventure. Et... oui, on s'en fout. On s'en fout car pour l'instant c'est terrible. Le Stade Toulousain est en train de perdre, de prendre les points, de prendre l'eau. À demain, si tu veux bien. Et merci pour le... coup fatal. Ah oui, le coup fatal. Là, nous sommes dans les... on est à 60 minutes de jeu. Pratiquement 60 minutes de jeu, Jacques. 20 minutes, oui. Mais par contre, ça fait 27 plus la transformation. 29-20. Ça devient chaud pour le Stade Toulousain. 29-20, Leinster, je viens un malin. Et on est blessé, bien évidemment, on est blessé dans le cœur, on est blessé dans le short, on est blessé dans le physique, ça fait du bruit. Et on est blessé dans l'âme, et c'est le Club Med qui va le ramener. Voilà, c'est le Club Med, regarde ça, il part au Club Med directement avec les gentils organisateurs qui l'accompagnent, voilà. Alors qu'on écoute l'ambiance qu'il y a en Syrie en ce moment. Voilà. C'est un son que nous a envoyé Dominique Baudis, fan de Syrie. Ah bon ? La Syrie avec SC alors, bien évidemment. Il aime le bois. Melville. Oui, Melville va tenter la transformation. Et il, bien évidemment, réalise, il la met 2 points de plus pour le Leinster. J'ai peur. Appelle-moi. cette musique alors, la capucine. Non. Ouais. Arrêtez-moi ça immédiatement, s'il vous plaît. Drop. Drop. Coupe drop, la coupe drop. Ça va pas être facile à réaliser, Jean-Louis. C'était un ralenti qui ne s'impose pas. On a laissé. Toi aussi, tu es pour les Irlandais, visiblement. Jean-Louis. On a laissé ces Irlandais marquer. Je ne suis pas sûr qu'on les ait laissés, Jacques. Je pense que. On a bien lutté, nous certes. Nous subîmes. Et bien évidemment, ils marquent. On va essayer d'y aller en force. Merci Jean-Louis, merci pour ce ralenti. Arrête avec ces images. Ce qui passage en farce. Qui rentre avec son numéro 23 sous. Et sur France 2, il y a du changement dans Sportage aussi. On écoute France 2 qui me semble un petit peu triste. Où sert le général de Gaulle? Ils ont changé de sujet. Apparemment, ils s'intéressent à la belle histoire de l'équipe de France. Ballon remonté par les Toulousains qui, oui, 9 points, c'est lourd, mais en se remettant tout à fait en phase, en espérant que le Leinster ne tienne pas ce niveau de jeu jusqu'à la fin, alors il sera peut-être possible, effectivement, d'aller faire quelque chose pour aller en finale affronter Pépignan ou leur Phantom. Nord Phantom. Ouais, c'est ça. Là. Avec le ballon bien monté par Bonbon Créma à la cerise cette fois-ci. À la cerise, mais belle récupération. Il est bon cet arrière. Kinder Surprise. Oh là là, Kinder Surprise est absolument fantastique. Ce type magnifique. Allez, touche-moi. Et regroupement dangereux même. Non. Pour l'intérêt du physique. Bien maîtrisé par ça les Irlandais. Ouais, tu vois, coup, c'est posé, regarde. S'il n'y a pas de courant d'air, ça devrait bien se passer. Et dégagement, là, les Irlandais ne s'emmerdent plus. Tu comprends. Ils mènent de 9 points, ils sont qualifiés en finale. Et donc, puisque le ballon est rentré directement dans les 22 mètres, ouais. Ce ballon, ce coup de pied n'est pas accordé. Oui, et c'est bon pour le Toulouse Football Rugby Club. Il y a du jeu encore, il y a du temps. Il y a du temps de jeu. Merci Jacques. Il fonce. Le 28 mai prochain, tout ça bien. Mais 28 mai prochain, apparemment, on nous annonce. Oui, alors là, par contre, là, la négociation s'annonce suprême. Hein, c'est, ouais. On va voir. Il confirme, Jackie. 6 de savoir. Pull up. Vous arrêtez vos conneries un petit peu. Produit acheté, donc voilà. Oui, merci. Alors, c'est justement, hein, Ginov, ça y est, Ginov a trouvé là, ça y est, il a trouvé la parade. Ah. Il sait ce qu'il va faire, il sait comment il va. La parade des destins animés. Peloter cette maille un petit c'est peu parti encombrée. Avec Long Touch. Ah oui, mais c'est dommage. Bien, oh là là, c'est touche d'homme. Ah, plus de touche d'homme, avec t'as eu cette fin de passe digne d'un 3/4 centre. Qui passe le ballon et qui est dans l'axe. Oui, qui avance. Qui avance. Dans Lance, qui est féroce. Avec John G vers l'intérieur qui va retrouver son partner with Disciples. Disciples qui se fait lui retourner par les Toulousains, mais pour l'instant, on continue. Kick. Oh, dommage. Ah. Je vis ce match un peu. Est sorti Lyne Sturman avec Brutus Johnson qui en plaque deux à la fois, c'était magnifiquement exécuté. Si on peut faire comme ça à chaque fois, à un moment donné, il y aura du surnom. C'est tout le contraire qui se passe. Même Difoutoir se fait enfoncer par ce numéro 12 extrêmement puissant et tonique, comme disait sa mère à sa naissance le 13 janvier 1975. On écoute. Je ne sais pas, quelqu'un essaie de nous transmettre un message, contrairement au site qui semble avoir un petit blocage, puisque pour l'instant, bien évidemment. Mais pour le stade, c'est bon, j'essaye de suivre ce qui se passe. Allô ? Et là, à un moment donné, Maillot va pas être content. Non, non, va pas être content du tout, les auditeurs, non, ils vont pas être contents du tout. Arrêtez de bricoler pendant les matchs, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a eu, Jean-Louis, hein ? Un bricolage numérique. Des bricoles alors. Et ça c'est un mauvais lancé. Avec regarde-le, Rome Poulenc qui est magnifique. Rome Poulenc. Rome Steak Poulenc. Oh non, Jacques. Ah si c'est un beau. Un, oh, oui, c'est vrai. Une belle bête quand même. Une belle barrique de Rome. Oui, et là il y a une tête qui s'est fait. C'est pris dans le ballon. Oui. Mais il n'a qu'à pas mettre des trucs comme ça, hein, on ne le confondra pas avec le ballon, c'est vrai aussi quoi. Très vampire d'ailleurs. Est-ce que le prince Charles est là au premier plan? Oui. Hein William. Oui. Serein lui aussi. S'il vous plaît, arrêtez derrière, c'est assez bordélique comme ça aujourd'hui. Hein. Allez, introduction Buscatel. Mais là il faut sortir ce ballon très vite. Le jouer avant que l'arbitre ne siffle, voilà, mais c'est trop tard, il tarde trop à chaque fois. So a beat. Eh oui, un petit peu con sur ce coup-là. Non, ce Warbeat est dans un Donnell Rhythm, bien évidemment. Lui, c'est un professionnel de cette position-là, de cette place-là. Il sait parfaitement gérer le timing. C'est un mojo. Ce Warbeat. Eh bien, Toulouse est toujours mené de 9 points, 29 à 20 ici à Dublin. Demi-finale, oui, madame, vous faites bien de le dire. Et après, qu'est-ce que vous voulez encore? Oh, mais oh, et l'arbitre conteste pas du tout! Il va y aller tout seul! Il nous tue, non! Non, c'est fini! L'arbitre a sifflé! Ah bon! Fausse action! Oh! Oh, oh le cœur. Oh Fasse le cœur. Peur. René, ausculte-moi. Ausculte-moi, René. Faut revoir cette action. Ausculte-moi. Fasse action. Oui, mais l'arbitre a mis longtemps à siffler quand même. Regarde. Fasse peur. Et au ralenti, ça risque d'être plus flagrant encore. Il ne dit rien, il ne dit rien, il ne dit rien. Et là, là, quand la caméra ne le regarde plus, il porte le sifflet à sa bouche. Et... Toujours 9 points d'avance. 9 points d'avance, c'est la souffrance. 9 points d'avance, allez la foi. 9 points d'avance, c'est la souffrance. À vous la récompense. 9 points d'avance. Alors ça nous fait quoi? Ça nous fait un essai transformé et un drop. Ce serait pas mal. Tu dois aimer, on sait semer. Bien joué Jean-Louis le clavier. C'est la demi. C'est la demi-finale. Ice Cup. Indirect. Pour le Stade Toulousain dans les 22 mètres aux Irlandais. Mais ils chutent et donc ils ne vont progresser. Attention à ces ballons récupérés. Ouvrir de ce côté. Ou continuer à fixer le dommage. Ouh, faute. Faute signalée, oui. Faute signalée par l'arbitre avec une mauvaise gestion du ballon par les Toulousains. Et là, s'ils commencent à perdre les pédales, ce n'est plus bon du tout avec une obstruction flagrante d'un joueur. Ici même. Bon. Bien vu. Et voilà comment on est peinant. Et voilà comment on est peinant. Et voilà comment on est pénalisé. On obtient la touche pour les Irlandais. On repousse. Alors qu'on est mené. Leinster jovial 29, Toulousain malin 20. Prenez-en. Ah, c'est qu'elle est pas mauvaise. Jean-Louis, mais tu reviens. Oui, monsieur Cotta. Tu repartiras d'ailleurs, hein, Jean-Louis. Aussi. Oui. Avec Jean Boudou, le capitaine méché. Oui, et pas éméché. Postiché aussi. Et pas éméché, le capitaine méché. Et là, on fait rentrer petit copain. Petit copain sympathique. Oh, c'est un tout jeune, c'est un tout jeune qui rentre. Ouais. Boule, là, oui, effectivement. Il sort de la maternité. Oh là, stade. Il vient de sortir de la maternité, tout simplement. 118 mois. Kilos. 118 kilos et 1m80, madame a dû souffrir. Ouais, hein. Ouais. Je pense que d'ailleurs, madame a été recousue de toutes parts. Allez, avec cette relance en touche au bénéfice des Irlandais qui déploient leur jeu. Ah non, je suis inquiet, Jacques, je ne veux pas te porter la pouasse et te mettre le malheur dessus, mais je suis inquiet de la tournure des événements. Les Irlandais ont l'air bien dans leurs bottes et buts. Beaucoup plus flingrant et fringant. Ouais. Ils avancent, même si la défense toulousaine fait bonne garde, même si elle ne cède que par à-coup, ils avancent à chaque fois et ils se montrent hyper dangereux. On est obligé à se, voilà, comme des exploits comme celui-ci pour pouvoir faire quelque chose et échapper à la mort. Comment? À la mort suprême qui nous guette. Mon frère, rejoignez Sportaz et la communauté qui... 06-07. Le ballon est remonté par... avec Guitou qui a bien transmis à Dufoutoir qui progresse, lui, bien évidemment. Il sait faire ça, mais pour l'instant, on est en retard. S'il venait à marquer maintenant, les Toulousains, ce serait pas mal. Il pourrait encore y croire. Il joue avec une petite babale à la babalouse avec maintenant Poitrine de Vaux. On revient vers l'intérieur. Il faut trouver un partenaire. C'est fait, Poitrine de Vaux. Il est encore dans son camp. Allez, dépasse. Voilà, c'est bien. Mais on est passé chez les autres. On est chez les autres. On est dans le camp adverse. C'est déjà pas mal. Mais quel effort pour y parvenir avec une bonne petite longue. On a embarqué toute l'équipe. Donne la bite. Il me donne la bite, il peut plus, il est par terre, il est cuit, il est plingué. Avec, c'est William Sorin et Arbalète. Arbalète, il a donné, il pourra pas tout faire quand même à un moment donné, il va falloir qu'il s'arrête. Bien joué, William Sorin, qui il a peut-être le surnom. C'est pas mal fait. Il revient, Tommy. Ça bénéficie aux Irlandais, peut-être pour cette touche. Quoique le coup de pied est irlandais, le lancer sera toulousain, donc est-ce qu'on peut considérer, Jacques, que c'est un avantage? D'accord. Eh bien, lui aussi partira peut-être au Club Med, puisque vous voyez, les gentils Géo viennent le voir, ils l'inscrivent sur la liste des prochaines vacances. Je préfère un bungalow. Oui, un grand bungalow. Moi, ce soir, j'aime pas le mobilhome, je veux le bungalow. Moi, ce soir, une pub pour Mediapart. Tu trouves qu'ils en font pas assez? Tchik tchik. Il est vrai que ce site vivotait quand même. Même si on lui a une certaine reconnaissance, il vivote. Bien évidemment, sa notoriété n'est pas tout à fait bien. Oui, mais il me semble que la démarche est assez noble. Alors Jean-Louis, c'est du ralenti ou c'est du direct, hein, Jean-Louis? D'accord. Le ballon est reconduit par la formation toulousaine. Oh là là là, avec une tamponnade magistrale. Voilà, chiffonnade de Parme pour le joueur toulousain qui s'est retrouvé. Carpaccio. Ah ben, non. Le ballon sorti par Toulouse. Oui, avec la dorade. La dorade. Ouais, qui reste taqué quand même. Hein. Un peu. Allez, récupère. Il faudrait marquer maintenant. Ça, c'est rien. Maintenant, allez. Patte-doigt. Patte-doigt. C'est du n'importe quoi, rugby. Ils sont deux contre deux, pourquoi pas, avec une petite tentative de truc. Il le fait joliment fait avec Claire de Notaire. Oh, qui bousculado en touche à dos. Nan avant, peut-être, effectivement. Mais touche, en tous les cas, s'il n'y a pas nan avant. Ce sera bon pour les. Oui, bien vu, Jacques. C'est une mêlée pour Toulouse qui te donne à mort. Vas-y, Toulouse, tu peux encore. Ah, c'est terrible, hein, quand on est partisan d'un match comme ça, d'habitude, on est. Et puis derrière la musique aussi, c'est assez rigolo. On veut être en finale. Oh oui, mais enfin, on veut être en finale. On peut pas toujours y aller non plus, faut pas déconner. Baptême d'une réunion. Non, et puis être en finale, ça veut dire un match supplémentaire où t'es tendu, où t'es. Ah, oh, non. Allez, on griffe. Et oui, ce petit en avant, minable et pourtant si important sur la ligne quasiment des 22 mètres irlandais, Toulouse va pouvoir attaquer. Oh, bon, ralenti au zoom, magnifique Jean-Louis, interception là d'une bouteille d'eau qui remonte tranquillement de la bouche jusqu'au fond de l'estomac. Ah ben non, ça remonte pas, ça descend. Alors il y a rien. J'étais en bas, moi. Ah, ouais. Bon, Jean-Louis, qu'est-ce qui se passe là? Sinon, on va chercher un jingle. Hein. Si on a un petit jingle là, un petit rapide. Oh, le replay de maintenant, ça va rejouer. Vous voyez, vous avez loupé. Vous avez le temps de balancer ce putain de replay. Et vous l'avez loupé. Belay pour Toulouse. Et nous allons suivre ensemble cette mêlée. Vous êtes 34 à nous dire qu'il faut suivre cette mêlée. Donc nous allons vous écouter. Du strip. Oui, superbe. Sorti de bord, Toulouse qui attaque. Toulouse qui attaque. Toulouse qui attaque. On fait pas de la merde, les mecs. Qui rentre dans les 22 mètres des Irlandais. Et qui vont marquer. C'est pas sûr, là, les Toulousains ont tendu à revenir. Un peu en retard sur le porteur du babalon, allons à fond dans l'embute pour. Allez, ouais, elle est bonne. Accélération, voilà. C'est mieux, voilà les mecs, changement de rythme. C'est bon ça. Une 3 passes, s'il vous plaît, et on y va. Mais la défense est belle des Irlandais, même si là on a encore progressé. On repose. On va marquer. Attention à ne pas s'isoler. Il faut rester solidaire. Récupérer la balle. Si vous voulez aller juste derrière. Et aller en finale. Oh là là là là, mais le temps passe. Vas-y, William, reste serein. Passe le ballon à un copain. Mais ça ne va pas assez loin. Ouvrez au loin. C'est reparti. Change le rythme. Yes. Il y a trop de monde à sauter. Il peut le faire, mais il n'a pas encore le sport. Super sauter. Non, c'est pas encore fait. Give the ball, please. Toulouse, ils sont là, les Toulousains. Ils peuvent effectivement pouvoir donner ce ballon et le mettre derrière. Les mains l'ont perdu. On a tout essayé, c'est contré. C'est pas marqué, c'est pas mangé. Un peu caché. Mais c'est peut-être que partie remise. Oh, mais dis donc, avec l'énergie qu'ils ont dépensée là, tu vois, s'il en reste encore. Ils en ont. Et ils ont encore de la matière grise. Ouais. Eh bien, je pense que vous allez avoir le temps d'aller passer le petit jingle qui était promis, bien évidemment. Puisqu'il y a un blessé qui aura un soignement. Oui, mais c'est le replay, hein. Oh, il est blessé. Mais là, c'est le ralenti, Jean-Louis. Voilà. You asked for it, Omaha. Sportage! You got it. Sportage! This is the big show in the Big O. Fact football, this is it. Sportage. 403-3776. The Big Show and the Big O. Wow. Come. Sportaz. Sportaz. Toujours donc ici pour le Super Bowl, pour l'instant c'est sans anglais. Yankees Leinster qui mène devant les Giants de Toulouse. Avec beaucoup d'émotion. Bonsoir toi. On aura comme ça deux regards très, quand même, très indépendants. Oui, bien, bien évidemment, deux regards très indépendants. Et trois, hein, non, il n'y en a que deux regards, vous pensez, lequel est aveugle alors? Parce qu'on est trois, s'il n'y a que deux regards, c'est qu'il y en a un qui voit rien. Jackie, vous écoutez tout, pardon. Attention, il y a changement du côté irlandais. Avec Big Beautiful qui va céder sa place à Beautiful Big. Alors, ça va partir dans les mains de Toulouse, dans la rue des Lois. Oui, rue des Lois, hein. Un petit coucou. Un petit clin d'œil de la part de Jacques. On arrive. On n'est pas loin. Le ballon est remonté par le stade toulousain avec Jean-François Soupetard. Oui, James Ripoussol. Voilà, c'est des trucs comme ça peut-être qui peuvent permettre, il ne la perd pas. Oh là là, bon, malgré bon, l'impact, il n'a pas la chance. C'était chaud quand même. Voilà. Pénalité pour Toulouse, on a grappillé le ballon à la main, me semble-t-il. Aboun. Pénalité pour Toulouse. 9 points d'écart, c'est énorme quand même. C'est beaucoup, surtout qu'il reste. Il demande à ce qu'on prenne les 3 points, hein, Ginov. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il se dit que 3 points, ça rapproche de 6, ensuite c'est laissé transformer. Et ça remet la pression sur les Irlandais, effectivement, ouais, c'est pas bête. C'est un peu... Le survêtement est un peu pauvre, du côté toulousain. Le flocage est assez triste, je dois dire. Ouais. On pouvait quand même innover quand on a un entraîneur qui s'appelle Ginov, vous comprenez. Alors, c'est une... Oula, pénalité, mais elle est pas... Attends, elle est pas gagnée. Elle est pas gagnée, quand même, je veux dire. Là, il dit, on prend même, les 3 points. Là, c'est du Volvestre, là, qui va tirer. Avec Jean Rieu. Attention à cette pénalité. S'il la met, ça peut redonner effectivement beaucoup d'allant à ses partenaires. Alors vas-y, Coco. On regarde. Est-ce qu'il a la patate pour le faire? Oui, la patate, elle y est. La patate, elle y est. Mais go! Trois points. Tu m'entends bien? Go! Trois points. Yeah, 3 points pour le stade toulousain. On a quand évoqué il y a un instant une manipulation. Oh, c'est grave. Allez, ralenti. On s'amuse. Ralenti. Voilà, ralenti. Merci, Jean-Loup. Et on nous souhaite un bon anniversaire sur site de Radio Sportaz. C'est une musique d'anniversaire. Happy New Year. Buzzer. N'oubliez pas que Sportaz est encore petit. Radio Sportaz est petite. Mais Sportaz est grand. Clic. Oui, sorti, c'est le public qui fait volte-face. Là on fait... Oh, attention, mais on attaque du côté toulousain. Non, il aurait pu avancer un petit peu. Plus vite les mecs peut-être, ça serait mieux, mais on cherche l'impact pour fixer la défense. Et surtout, on cherche à ne pas se retrouver tout seul face à l'adversaire. Voilà. Oh, que les petites on fait passes. L'autre côté du coup. C'est pas mal du coup, ça, avec le docteur Merdard. Des Merdard, pardon. Médard, deux Médard. Ah. C'est autre chose. Sortie de toulousaine avec Zoisillon qui transmet. Excuse-moi, mais j'essaie de. Zoisillon qui a réussi à passer. Il donne la balle, Zoisillon qui compte. C'est devant. Jean Boutiou qui est tout seul l'intervention. Avant. En avant, non. Il ne nous signalera pas un en avant. Dolce Vita. Ah, je ne vois pas bien ce que vous faites la Dolce Vita avec monsieur Cotacola. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? C'est un peu début, là. Moi, je suis souvent monsieur Dakota Cola, et là, ça me semble un peu lourd. Je le mets dans l'urne. Du Leinster. Dans l'urnster. Et c'est William Serin qui va laisser sa place à un joueur. Oui, oui, le parking. Le parking, ça se mérite. Donc, cette place parking. Belle voiture. À Toulouse, c'est pas facile de se garer. J'approuve le message qui vient de nous être envoyé, bien évidemment. Ah, c'est une mêlée. Bien, Jean-Louis, ben d'accord, mêlée, c'est 8, mêlée hein, 8, 8 sur 10. 8 sur 10 sur l'échelle de l'image, de sa propension à capter l'attention du téléspectateur. Oui, il ne peut plus y avoir de prolongation, hein, on me le confirme. Ah si, Jacques. Oh non. Ah si, 23 plus 3, 26 plus 3, 29. Si, le danger existe réellement. Non, si. Mais non, rassure-toi, je pense qu'il n'y en aura pas. Le Leinster récupère le ballon et le Leinster va conserver celui-ci Très longtemps, sauf qu'il fait un terrible en avant. C'est bon pour Toulouse, ça va lui donner l'occasion d'avoir la possibilité de se rapprocher. De se rapprocher. De se rapprocher. Peut-être de gagner. Allez, allez, Toulouse. Comme Toulouse. Allez. Mais merci, les gars. Faites ce que vous pouvez, mais là, là. Alors, il faut arrêter. Juste une mêlée, les mecs, hein. Il faut pas s'emballer. Et puis elle est loin, hein. Elle est quand même dans le camp toulousain. Là, ils vont pas l'enfoncer jusqu'à l'embut adverse. Calme, calme. Calme, Jacques vous dit calme. Sérénité, intelligence, efficacité. Enfin, c'est pas le cas de moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait demain? Arsenal-Manchester ou. Pépignan-Nord-Fantôme? Toujours faire une mi-temps de chaque. Ce serait d'amusant, tiens. Le mix sport. On n'a jamais fait ça. Radio Sportaz permet de faire des choses pareilles. Ok, sortie de balle intéressante pour les Toulouse Zinzin. Zinzin qui monte. Faut être fou pour y croire jusqu'au bout. Faut être fou, les mecs. Justement, c'est maintenant. Soyez fous. C'est now. Ouh, ça joue. Emballe tout. Oh non. En avant terrible, c'est foutu. Allez, c'est foutu. C'est pas grave, c'est dans Non, non, soyons fous. Il va revenir à une pénalité cette fois-ci. Je crois que c'est réellement la fin. Nous en sommes éliminés. Nous n'irons pas en finale. Nous n'irons pas gagner. C'est perdu. C'est losé. On l'a dans l'embut. C'est raté. C'est perdu. Et grâce à Sportaz, gardez bien évidemment le sourire. Ils ont perdu avec dignité. Mais ils ont dit finale de leur côté. Dit demi-finale, que dis-je. Merci le stade, merci Ginov. On vous rappelle, demain, entre 15 et 16 heures, expérimental, fresh mental. Oui, on commencera par du foot, hein, me semble-t-il, vers 15h05, par là. Et ensuite, nous enchaînerons par une deuxième mi-temps de rugby. On se tient au courant. C'est un peu n'importe quoi. Oui, mais non, c'est un nouveau concept. On suivra par la deuxième mi-temps par le rugby. C'est mi-temps foot par le rugby. Parce que pour aujourd'hui, là, je pense que ça est définitivement terminé. Même si la pénalité ne passe pas, de toute façon, la Leinster est en finale. Toulouse a échoué dans sa première quête. C'est difficile, Jacques, de faire ce fameux doublé en rugby. Ogawa Timba. Ils ont perdu. Ils sont vaincus. Et ils resteront là, dans cette compétition. Adios, pas de touche. Adios, amigo. E perdi l'ombra. Asce che è terminato. E lusa, tulusa, tulusa, tulusa, tulusa. Parte finale. Repo total. Parte finale. Repo total. Pour la prochaine fois. Finale de championnat, peut-être tu vois. Quant à toi de Radio Sportaz, demain dans la place entre 15h04 et 15h05. Une expérience incroyable. Ils vont commenter demi-temps. Une de foot, l'autre de rugby. Ouais, enfin, c'est marketing, votre truc. Ah, pique-poupou. Hey, salut madame. Salut mademoiselle. Hey, salut monsieur, on est pressé ce soir, merci à vous. Ciao, Akai. Jacques est pressé. Et parfois, Jacques est pressé. Marchand du temps pour bien l'intention d'en profiter. Stéphane Carpentier, vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place. On n'a pas le temps. Sportaz 720, 30 000, 2011. Campanile, ouais. Le stade toulousain a perdu face à Leinster, demi-finale de Coupe d'Europe de rugby. Dash Cup, qu'est-ce que t'en penses toi de la Dash Cup? c'est, c'est une super compétition. Ça... Tu mets les trucs dans la machine à laver, après tu fais le programme 8, tu fais tourner, et puis tu vois quelle lessive va mieux laver, c'est ça la tâche. C'est pas mal, mais bon, avec le rugby on pourrait faire mieux avec d'autres lessives par exemple, parce que la tâche c'est un peu trop lâche, vous comprenez, on n'est pas assouplissant. Voilà ce que je veux dire. Puis je vends une machine à laver 16 soupapes. Avec c'est ça, le washing machine, c'est un sport. Ouais, merci. Eh bien, vous avez été nombreux à nous dire que la postiche, c'était moi. Bravo, ils ont trouvé, hein, c'est exceptionnel, ils sont très forts, ces auditeurs, ils sont vraiment sensationnels. On est content d'avoir des audits internautes, je ne sais pas comment on les appelle comme ça. Ils ont trouvé que postiche, c'était moi, postiche, c'était l'autre. À demain. Allez, file, va que t'es pressé, attends.